écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Maintenant, voici C'est un fait. C'est le retour de C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Ça te manquait, hein? Oui. On l'a pas fait depuis, encore une fois, le 19 août. 19 août. Ça fait longtemps. Ouais. Donc, savais-tu, Jean-Philippe, que Hershey, la compagnie de chocolat, okay, a promis d'arrêter d'utiliser des esclaves enfants dans la production du chocolat d'ici 2020? Ah ouais, OK. Tu sais, ben, il se laisse un temps de transition, c'est ça. Ah, waouh, ouais, je mangerai plus jamais de ça. Avoir un plan B, non, c'est ça. Mais en plus, le chocolat Hershey, c'est même pas le meilleur chocolat. Je veux dire, des fois, c'est du à saveur de chocolat, tu sais, mm-hmm, genre. Des fois, la petite Hershey's Kisses, les petites cloches, là, ouais, c'est marqué genre chocolaté. Ah! Chocolaté, c'est pas du chocolat. C'est pas du chocolat. Voilà. Donc, Hershey, retenez ça. En 2011, une petite ville espagnole qui était proche de la ruine, complètement de la ruine financière, ils étaient sur le bord du précipice. Ils ont mis une gageure et dans le fond, ils ont misé sur la plus grosse loterie du monde. Ils ont gagné, ça a sauvé la ville. Wow! Tu sais, quand tu penses ça, que c'est... tu peux pas gagner à ça. C'est ambitieux. Ben, c'est le gars, il avait vraiment rien à perdre. Ton cœur est environ de la même grosseur que ton poing fermé. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ouais. OK, c'est évident, ça. Un baiser à la française. C'est pas parce que je le sais que c'était évident, là. Ah, excuse-moi. Okay. Hein? J'essaie de t'apprendre des choses. Si tu sais quelque chose, dis-moi là, puis je le referai plus. un baiser à la française, ça fait que les partenaires de personnes... French kiss. French kiss. Ils vont s'échanger environ 250 types de bactéries, de virus. Mm-hmm. Pas tant que ça, ça vaut la peine? Ben, écoute, c'est un risque à prendre. Voilà. L'air, tu sais, des fois, tu vas ressentir un gros coup de vent quand tu vas entrer dans un magasin. Oui. C'est pour empêcher les insectes d'entrer. Ah, fait qu'ils poussent l'air. C'est une bonne idée. Oui. Le mot chinois, Shifu. Shifu, ça veut dire maître. Donc, le maître Shifu dans Kung Fu Panda veut dans le fond dire maître-maître. Maître-maître. Maître-maître. Ah, je suis fou. Je suis fou. Je suis fou. Je suis fou. Ouais. Hey, j'ai fait un dégât. Tu me passerais-tu le chifou? Cham, wow! Oui! Les humains peuvent en théorie survivre avec une diète composée entièrement de patates et de beurre. Wow! On pourrait survivre techniquement, là, parlant. Moi, je mourrais heureux, tu sais, au pire. Ben, écoute, ça fait de la bonne purée de patates. Oui. Patates pilées, patates au four avec une grosse mat. Oh, miam. Mm. Un petit peu de cheese whiz, selon certains. Ouais. Ça a pris au-dessus de 200 ans après la création du crayon plomb, avant qu'on invente l'efface. Ah! T'sais, une chose à la fois. Hein? Ben, chaque chose en son temps. On fait pas d'erreur. C'est comme l'affaire avec la canne. Tu sais, qu'on avait dit que l'ouvre-canne, ça avait été inventé très, très loin, très, très tard après. Après la canne. Et voilà, on l'ouvrait avec un marteau, je sais pas. Le breuvage le plus populaire au monde, qu'est-ce que c'est selon toi? Écoute, là, je te dirais, à ce jour, moi, je dirais Coca-Cola. Non. Du thé. Non. Du café. Ah! Du café. Ah! Plus de 400 milliards de tasses de café sont consommées à chaque année. Ah oui? C'est beaucoup. Ah, j'étais sûr que ça allait être Coke. Ben moi aussi. En fait, quand j'ai lu ça, j'étais impressionné parce que je me dis, ailleurs dans le monde, sont moins café. Tu sais, en Europe, sont souvent thé. Ils sont très café, Europe. Ouais, aussi, mais peut-être plus Asie, ouais, ouais. Thé, traité. Hein. Tu sais, les Britanniques, mettons, sont très traités. Traité. Oui, ils sont très Trois-Rivières. Oui. Château. Ma très drôle ce matin. Note ça, là. Ouais. aux États-Unis, environ 45 000 hamburgers sont mangés à chaque minute. Oh, wow. Okay. Ça, ce qui est cool, c'est que ça comprend même le matin. neurologiquement parlant, écouter de la musique, c'est considéré comme une action complexe. Les gens intelligents ont tendance à écouter de la musique plus longtemps à chaque fois, pour de plus longues périodes de temps, dans le fond. Les gens plus intelligents. Ben, on est supérieur. On est vraiment supérieur. Oui. Pas mal plus de musique à l'heure qu'à d'autres stations. Mettons. Oh! On dit ça demain. boire un verre d'eau froide le matin, ça va te réveiller beaucoup mieux que du café. Oh! Ça va pas m'empêcher de boire mon café. Non, ben écoute, combine les deux. Oui. Un café froid. Un café vraiment super dilué. Oui. Genre qui goûte plus le café. McDonald's rejette un plus gros pourcentage d'applicants par année que Harvard. Harvard accepte plus de gens à son école que McDonald's engage des gens. Wow. Incroyable. La femme moyenne, une femme en général aux États-Unis, en moyenne, 5 pieds 4, 140 livres. Ouais. Okay. La top modèle moyenne va mesurer 5 pieds 11 et va peser 117 livres, beaucoup moins. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est ça. C'est pas, elle compte pas dans les hamburgers mangés par année. Non, elle, c'est une donnée aberrante. Voilà. Un rat peut durer plus longtemps sans eau qu'un chameau. Oh! Oh, hein? Un rat. Yark. Oh non, excuse-moi. Est-ce que j'ai fait... Ah, je savais que j'allais faire ça. J'accroche tout le temps le commande Q au lieu de commande W quand je ferme une fenêtre. Et ça a fermé ma fenêtre au complet. Ah non! Ça va venir. Bon, écoute, il n'y a pas de problème. Alors, mais je suis étonné parce que le chameau, il y a quand même une bosse faite pour ça. Puis le rat, lui, il entrepose ça où? Il y a peut-être juste moins de demandes. Ah ben, le chameau vit dans le désert. Oui. Le rat ne vit pas dans le désert. Non, ça vit partout dans les villes comme New York. Ouais, dans les égouts. McDonald's. On revient encore sur McDonald's. Ils font environ 60 millions de dollars par jour. Pardon, 60 suivi de deux groupes de 3-0. C'est bien ça? 60 000, ensuite 60 millions. C'est ça? Ouais, 60 par millions par jour. Ouais. Mais ça, c'est pas de profit. Ils font juste générer ça de revenus. Et voilà. Beijing, Pékin, Séoul et Tokyo veulent tous dire capitale dans leur langue respective. Ah, wow! Et ça à soir au souper. Ouais. Ou en fin de semaine prochaine au souper de famille. OK. Ouais, ça oui, il faut faire ça. Ou lors d'un rendez-vous quelconque galant. Ouais, les filles aiment bien ça quand vous sortez des fêtes. Ouais. Toi, Beijing, Pékin, Tokyo et Séoul. Séoul? C'est ça. Qu'ont en commun ces trois villes. La capitale vendue. Ouais, comme. Il y a plus de chances qu'il mouille à 7h du matin. Dans la vie, en moyenne, il va mouiller plus à 7h du matin et il y a moins de chances qu'il mouille à 3h du matin. OK. Selon les moyennes météorologiques. 12%, on revient sur Coke, dont tu parlais tantôt, 12% de tout le Coca-Cola vendu aux États-Unis est bu au déjeuner. 12%. Oh. Mon père faisait ça avec du Pepsi. Ah ouais? Je le dis souvent en nom, mais c'est ça pareil. Toi, t'es-tu genre boisson gazeuse le matin? Je le ferai, j'essaie de m'en empêcher. Je bois du café. Ça fait le même effet, là. Il y a de la caféine là-dedans, en masse. Lorsque Taco Bell a essayé d'entrer dans le marché mexicain avec leur nourriture, ils étiquetaient ça en tant que nourriture américaine authentique. Parce que c'est supposé être du mexicain. Ah, mais ben oui, puis nous, c'est le... C'est ah. ça. Pour eux autres, c'est pas du mexicain. Ben non. T'sais, donc ça, je trouve ça drôle. Le mot crayon, on a parlé tantôt de crayon plomb, ça vient du mot latin qui veut dire petit pénis. Ah! Oh! Eh ben. C'est pour ça qu'en anglais, c'est un pencil. Pencil, exactement. T'as raison, ça, si tu voulais faire une blague. Oui, mais c'est pas vraiment ça. Une personne sur 10 utilise le NIP 1, 2, 3, 4. 10% déjà. J'ai déjà fait ça quand j'étais jeune. Pour vrai. Oui. On fait toutes des combinaisons de formes là, sur le clavier à 9 chiffres. Là, ouais. Plus que 10 chiffres. Là. Comme moi, mon cellulaire, j'ai juste j'ai un mot de passe, mais je sais pas pourquoi je mets un mot de passe. T'as-tu un mot de passe, toi, sur ton cellulaire? Non. Je devrais, mais je sais que je devrais parce que quand tu laisses ton téléphone au bureau, n'importe qui peut entrer puis regarder ton téléphone. Ouais, mais moi, je le mets puis c'est comme une combinaison de. C'est linéaire, mettons. Ouais. Hein. Ben, c'est comme sur les Android. Sur les Android, tu peux. Tu glisses ton doigt, ouais. Sauf que souvent, quelqu'un va pouvoir prendre ton téléphone, même s'il est barré, ils vont voir les traces de doigts sur ton téléphone, ils vont pouvoir reproduire la forme. Tu sais, tu vas d'un sens ou de l'autre. Voilà. Au 19e siècle, l'auteur de livres de cuisine, Madame Beaton, B-E-T-O-N, est recommandé de faire bouillir les pâtes, tu sais, les pâtes qu'on mange alimentaires, pendant 1h15. Eh, bâtin. Dans nous autres, c'est quoi? C'est rendu. Ça devient une plotée, ça? 7-8 minutes, ouais, dégueulasse. Ah ça, ouais. ça me rappelle c'est l'affaire de pâtes, là, de viande, là, des plottes, de ragoût de plottes. Pour vrai, ma grand-mère faisait du ragoût de plottes, c'était bien beau. Wow! 10 onces de cornflakes, ça contient plus de sel que 10 onces de peanuts salés. Wow! Beaucoup de sel dans les cornflakes, ça fait ressortir le goût du pas de goût. Ouais. Parce que c'est des cornflakes. C'est des cornflakes. Ça n'a pas de goût. Mais c'est bon avec des bananes. Des bananes! Des bananes! Bananes! Les cappuccinos et les singes capucins. Tu sais, les singes qui se font pipi sur leurs propres pattes pour attirer l'autre sexe opposé. Ah, oui, ben, je fais ça aussi, les capucins. Ils sont tous les deux nommés, bravo, en l'honneur de l'ordre Capucin de Friars, Capuchin Order of Friars, une organisation. Donc, le cappuccino et les singes capucins, ça vient de ça. Mm-hmm. Lorsqu'il était capable de s'endormir, notre ami Justin Timberlake, qui est mon nouveau patois préféré, Timberlake. Il se chante lui-même des chansons pour s'endormir. Cute, hein? Ben, écoute, c'est... Oui. Ben, il y a quand même une voix pour ça. Ben, ouais. Moi, si je faisais ça, je ferais des cauchemars. Sean Connery... Inside. Sean Connery portait une moumoute lorsqu'il a filmé chacun des films de James Bond. Wow. Oh. Pas pire. Demi Moore avait les yeux croches. Cross-side. Quand elle était jeune, elle avait porté un patch sur son œil jusqu'à ce que sa vision soit corrigée après 2 opérations. Wow. Mm-hmm. Le réalisateur de film Wes Craven a nommé Freddy Krueger en hommage à un garçon qui l'intimidait. L'intimidation, comment on dit, bullying, à l'école. Donc il l'a appelé Freddy Krueger. C'est quand même intense. C'est dark. Très dark. En date de 2002, c'est quand même loin, le pays qui avait le plus de chevaux per capita, donc par personne, était la Mongolie. Ah! Un cheval par résident. Ah! Oh, wow! Ben, écoute, ça prend... Faut se distinguer des autres. Et voilà. Est-ce que tu l'appellerais Jean-Philippe Junior? C'est juste pour que tout le monde ait son cheval à son propre nom. Oh, ah, oui. Les papillons peuvent goûter avec leurs pieds. Leurs pattes. La plupart des grenouilles ont des dents, mais ils les utilisent pas pour mâcher. En fait, les grenouilles avalent presque tout ce qu'ils mangent d'un coup sec d'une traite. Ça fait que ça servirait à aller chez le dentiste. Ouais, pour pouvoir faire un beau sourire. On a fait des dents. Ah oui. C'est pour qu'il y ait des cadeaux. Pour faire de l'argent, pour arrondir les fins de mois. Ouais, exact. Une vache peut donner beaucoup plus de lait que ce qu'un humain peut consommer dans sa vie. En fait, presque 200 000 verres de lait par vache dans sa vie. Ça, c'est génial. Le chien le plus lourd de tout le monde au complet pesait 310 livres. C'est un Saint-Bernard. Il est fallu. 310 livres. C'est comme l'équivalent de 310 livres de beurre. Oui. Les chiens ont un remarquable sens de l'odorat. Ils sont capables de différencier les odeurs de concentration presque 100 millions de fois plus petites que celles que les humains peuvent détecter. Ah, et puis là, tu te rappelles la fois où t'es allé dans la toilette chimique puis t'as fait comme... Ah, wow! Là, t'imagines ton chien, là. Pauvre petit bébé. Il va se cacher le nez avec ses petits papas. Ouais. Puis là, ils vont faire une annonce avec ça. Voilà. Une chance que les araignées, on disait tantôt qu'ils sentaient par leurs pieds. Les papillons. Les papillons, excuse-moi. Je m'écoute même pas. Eux autres, ça doit être encore pire. Ah oui. Oui, oui, oui. En tout cas, je voudrais pas être un chien puis sentir par mes pattes. Voilà ce que ça veut dire. Le chien, on reste d'un chien. Basenji, B-A-S-E-N-J-I. Le seul chien qui n'est pas capable de japper. Ah, on a l'extrait d'ailleurs. Le plus vieux chien de l'histoire est encore en vie aujourd'hui. Logiquement, si c'est le plus vieux chien de l'histoire, logiquement, il est encore en vie. Ben, s'il est mort, c'est pas le plus vieux chien vivant, t'sais. Ah oui, okay, Japon, oui. Okay, oui. Bref, le plus vieux chien de l'histoire qui est encore en vie aujourd'hui a eu 30 ans le 10 août dernier. Ouais, on le salue. Et oui, c'est ça. Ah bon, je pense que c'est lui aussi qui jappe pas. Okay. Oh, il est content. Ah, il l'a dit. C'est à la queue. Fouk, fouk, fouk, fouk. Les kangourous d'Australie étaient responsables. Pourtant, les crop circles, mm-hmm. Dans les champs, on va avoir des gros cercles souvent, on va dire. Les extraterrestres sont là. Ouais. Hein? Non, mais là, c'était des kangourous qui faisaient ça parce qu'ils avaient consommé de l'opium. Ils couraient en cercle. Wouh! Wow! C'est à ce temps qu'ils font des films avec ça. C'est ça. Ah, oh, ouais. Moi, j'avais en tête encore une fois Charles La Fortune à l'émission Le Cercle. Le Cercle court en rond avec l'opium. Avec Paul Hull qui la regarde. Ouais. Avec les bonnes réponses. Les tortues peuvent respirer par leurs fesses. Après les papillons qui sentent par leurs pattes. Les tortues qui respirent par leurs fesses. Oh, c'est beau le matin. J'adore cette chronique-là. Une baleine bleue, son cœur va battre seulement 9 fois par minute. Ah. Poum. Atoum. Oh, je suis nerveux. Eh, maudit. Ça va trop vite, là. Ouais. Les dents d'un castor n'arrêtent jamais de pousser. Merci. Ben c'est pour ça, oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'ils, justement, grugent le bois. Pour essayer de s'élimer les dents. S'élimer les dents, oui, tout simplement. 90% des espèces d'oiseaux sont monogames, donc sortent avec une seule personne. Seulement 3% des animaux sont monogames, donc les autres vont courir de jupon. Ah. aujourd'hui, je suis sombre. J'aime vraiment ça. Ouais, merci. Ça rajoute quelque chose à la chronique. Ouais. Parce qu'on sait que tout le monde aime les faits dans la vie. Mais ça les endort pas pantoute, mais avec des sons de même. C'est ça. C'est vrai que c'est rendu un running gag à TV. Les gens qui disent des faits, tout le monde s'endort à côté. Ça. C'est genre super pas intéressant. Oui, c'est vrai, hein, dans tous les faits, ce gag-là. Genre, il y a un monsieur qui compte son histoire, puis là, ouais. Saviez-vous que la baleine bleue. Moi, j'aime ça, ça me stimule. Moi aussi, j'aime ça, ça me fait apprendre des choses. La plus petite espèce de requin. Les requins qui sont aussi les auditeurs d'assemblage requis, tu savais ça, les requins? Oui. C'est le dwarf, lantern shark, donc le requin lanterne nain, si on veut. Là, je traduis littéralement mot à mot. Qui fait environ 6 à 7 pouces de long. Imagine un petit requin de poche! Mon requin de poche, la poignée de poche. Oh, tu sais, t'imagines-tu comment il doit se faire niaiser, là? C'est comme, ouais, je suis un requin. Ouais! Ben, t'as pas l'air de ça. Non, c'est, j'ai juste 14 cm de longueur. Oh, man! Si, j'espère que vous avez passé une belle journée le 31 août dernier. Ça, c'était quoi? C'était samedi? 2-1-31, oui. Samedi, c'était la journée internationale du bacon. Oh, c'est pour ça! Écoute, j'ai vu sur Facebook passer une image. Il y a quelqu'un qui a fait une œuvre d'art de Kevin Bacon, un portrait de Kevin Bacon en bacon. Oh, nice! Puis, écoute, j'ai essayé de la retrouver puis de mettre ça sur Facebook, Assemblage requis. Yes, merci. Le World Wide Web est aussi, célèbre aussi son anniversaire. Il s'est ouvert il y a 22 ans. C'était donc Tim Berners-Lee qui a accueilli les gens en écrivant. Les collaborateurs sont bienvenus sur Internet, donc sur le World Wide Web. Il y a 40 ans, un vol de banque à Stockholm est devenu une situation d'otage. Et on se rappelle, ça a créé le syndrome de Stockholm où tu as de l'empathie envers ton kidnappeur parce que tu deviens attaché à lui. Oui. C'est le syndrome de Stockholm, il y a 40 ans. 30% des photos prises par les 18 à 24 ans, donc les jeunes de 18 à 24 ans, sont des selfies, donc des photos qu'on prend de soi-même. Pics de chicks avec la petite tasse de canard, selon un récent sondage de Samsung. Il nous en reste que quelques-uns, on termine bientôt. Le plus petit mouvement détectable par une souris d'ordinateur, donc c'est environ un dixième de millimètre, et on appelle ça souvent un Mickey. M-I-C-K-E-Y. Ouais. Excuse-moi, j'ai un Mickey. un ours nommé Wojtek a été adopté par les soldats polonais à la deuxième guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il buvait de la bière, fumait des cigarettes, mangeait des cigarettes même. Okay. Ça, c'est plus l'ours. Là. Et pouvait faire un salut militaire et transportait des munitions sur lui. C'était un ours Wojtek. Wow. Malade. La ville russe de Volgograd revient pendant 6 jours pendant l'année à son ancien nom, Stalingrad. C'est comme une petite semaine historique, voilà. Ouais. Pendant 6 jours. Pas une semaine complète, pas une semaine de travail, entre les deux. Mm-hmm. 6 jours. La surface de tes poumons, la surface, pourrait couvrir un court de tennis au complet. Aïe, aïe. C'est beaucoup de... C'est beaucoup de surface. De surface. Les Européens du Moyen-Âge pensaient que s'ils avaient des relations pendant une pleine lune, ils allaient avoir des enfants démons. Ouais. Si une bibliothèque sent un peu le chocolat, les clients ont 22% plus de chances d'acheter un roman romantique, c'est un roman à l'eau de rose, que si la boutique ne sent rien. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on a des cafés au chocolat dans les bibliothèques et les petits cafés, ou c'est les, comment on appelle ça, les petites librairies. Ouais. Tout de cute. Là. Intéressant. Deux derniers, la rhinotilexomanie. Qu'est-ce que c'est la rhinotilexomanie? Rhino. Ouais. Est-ce que ça serait rincé, ça? Peut-être Rihanna. Peut-être. Mm. Ou Rio Tinto. Rio Tinto. Attends, c'est l'art de se s'hydrater. C'est-tu quelque chose avec l'hydratation? N'importe quoi. Non, pense à Rhino... Céros. Rhino comme un nom, le nez, la rhinoplastie. Oui, c'est ça. Se faire reconstruire le nez. Ouais. Donc, c'est quand tu te pognes l'intérieur du nez, souvent, genre... Comme obsessivement, c'est la rhino flexomanie. Il y a des crottés de nez. Ah, ok. Et c'est finalement, l'hélénologophobie. Hélénologophobie. Héléno, hein, du latinus Hélénatare. Taré. Je sais pas. Non. C'est la peur des termes en grec, des mots grecs. Ah, oh, j'étais pas si loin. Pas si loin du tout, hein. Je voulais juste savoir si tu l'avais. T'as ça. Ouais. T'as ça. 8 km. 8 km environ, plus ou moins. Donc voilà pour cet effet. On fait ça à toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et on débute tout de suite dans nos nouvelles complètement insolites et farfelues. Et on débute avec des trucs que moi, ça me touche toujours pas mal. Des histoires de chirurgie esthétique. Hein? Et puis juste à côté de la nouvelle que je vais vous parler aujourd'hui, il y a une série de vidéos atroces. En tout cas, je vous en parle après la nouvelle. Donc, le titre, c'est « David Matlock a créé la femme parfaite et finalement la demande en mariage ». La rencontre entre David Matlock et sa femme, Véronica, est assez originale. Cette romance a débuté en 2007 et semble s'être très éloignée de celle des contes de fées. Pourtant, ce fut le véritable coup de foudre, comme David Matlock aime le préciser. Toutefois, il aura fallu que Véronica passe sur la table d'opération pour que ce mariage puisse se faire. On se retourne en 2007 et on va aller parler de cette histoire. Donc, en 2007, elle se rend au bureau de David Matlock, qui est un plasticien américain. Elle souhaite y faire une vaginoplastie après avoir accouché de sa fille. Donc, vaginoplastie, hein, une chirurgie reconstructrice du vagin. Hein, on peut se le dire comme ça. C'est ça. Donc, le plasticien en question. Monsieur qui s'occupe souvent de personnes riches et célèbres, eh bien, commence à lui poser des questions. Et il est adepte de produits survitaminés et de musculation. Il voit en la personne de Véronica une potentielle candidate à son mariage. C'est pourquoi il lui propose non seulement de lui redessiner le contour de son vagin, mais également de lui faire une totale chirurgie plastique, chose pour laquelle Véronica hésite mais accepte. Au programme, reconstruction du menton, liposuction des bras, des jambes et des prothèses pour que ses fesses ressemblent à celles des Brésiliennes. Le tout basé sur le modèle de Wonder Woman, qui est, selon M. Matlock, la femme parfaite. Il a vraiment dit Je vais t'épouser à une seule condition, que tu deviennes la femme parfaite. OK, donc elle a tout accepté. Une fois que Véronica avait subi toutes ses opérations puis augmenté son tour de poitrine de 2-2 tailles, David Matlock a décidé de l'inviter pour un rendez-vous galant. Il ne s'est pas fait prier pour attendre et l'a immédiatement demandé en mariage. Je ne pouvais même pas la regarder dans les yeux parce qu'on savait tous les deux pourquoi j'étais venu à la rencontre. J'étais si timide et gêné, mais il m'a rassuré en me disant qu'il y avait eu le coup de foudre. C'est ce qu'a expliqué Véronica à une station de télévision de par là-bas. Une émission également réputée pour les fameuses My Strength Addiction. On en parle souvent, ça aussi, ici, au Dîner de con. Vous allez vous habituer. Je voyais en elle que ses kilos en trop. Je savais exactement comment j'allais la transformer et à quoi elle allait ressembler. Elle a accepté toutes les choses que je lui ai proposées, même le mariage, nous a-t-il confié. Hein? OK. Donc, aujourd'hui, âgée de 38 ans, Véronica ressemble à la femme parfaite. Cette brune présente une silhouette qui ferait rêver plus d'un homme. Toutefois, toutes ces transformations sont quelque peu mal vécues par cette femme. Et elle explique « Je me sens bien, mais parfois je me dis que je suis une sorte de panneau publicitaire pour cet homme. » Hein? Effectivement, le plasticien âgé de 49 ans a presque entièrement transformé celle qui aujourd'hui est devenue sa femme. Il faut dire que celui qui est surnommé le docteur 90-210, en rapport au quartier riche de Beverly Hills, hein? Un peu comme la série Beverly Hills, hein? C'était ça, 90210, eh bien, il a vu sa notoriété être entachée à plusieurs reprises. En seulement 10 ans, il a été poursuivi en justice plus d'une dizaine de fois, ce que rapporte le Huffington Post. En 98, sa licence de plasticien lui a été confisquée durant quelques temps pour négligence, fraude et malhonnêteté. De plus, selon le Collège des gynécologues américains et obstétriciens, eh bien, la vaginoplastie ne serait pas un bon remède à la reconstruction vaginale. Effectivement, celle-ci pourrait provoquer de lourdes infections, des sensations altérées et d'autres conséquences du même type. Non, on va pas jouer là. Ben, on peut aller jouer là, mais pas avec un bistouri. C'est ça la patente. Sinon, on va changer complètement de registre. On va aller parler plutôt de biologie. Ben, c'est pas complètement un autre registre, mais au lieu d'être dans le plastique, on va être dans le vivant, dans l'organique. On vient de découvrir une grenouille qui entend par la bouche. Donc, jusque-là, les chercheurs pensaient que cet animal était sourd. Ils ont fait une découverte révolutionnaire. La grenouille Gardiner entend par la bouche. C'est un petit animal tropical qui possède en effet ni oreille moyenne, ni tympan. Malgré cela, elle a la faculté d'entendre, comme ils l'ont assuré nos scientifiques. Cette espèce vit donc dans les forêts tropicales de l'archipel des Seychelles, qui est un ensemble de petites îles situées dans l'océan Indien, au nord de Madagascar. Et une autre particularité de cet animal, eh bien, c'est qu'il fait 1 cm de long. Hein? Soit la taille d'une punaise, une minuscule grenouille d'1 cm de long. Pour arriver à savoir que ces animaux entendent par la bouche, eh bien, les chercheurs ont utilisé des sons préenregistrés de croassement d'autres grenouilles. Ils ont découvert que les grenouilles Gardiner mâles leur répondaient en croassant à leur tour, comme si elles pouvaient les entendre. Eh bien, elles les entendaient. Des images de radio ont montré que ni les poumons ni les muscles des grenouilles Gardiner n'aidaient à transmettre le son aux oreilles internes. À la place, les scientifiques ont découvert que leur bouche fonctionnait comme un amplificateur des fréquences de son émises par l'autre grenouille grâce à une toute petite membrane située entre la bouche et l'oreille interne. La combinaison de la cavité buccale et la conduction par os permet aux grenouilles Gardiner de percevoir effectivement les sons sans utiliser l'oreille moyenne. C'est ce qu'a expliqué Renaud Boitel de l'Université de Poitiers en France, qui est aussi du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Nous montrons que la présence d'une oreille moyenne n'est pas une condition nécessaire pour entendre, bien que cela soit la solution la plus polyvalente pour la vie hors de l'eau. Ajoute l'étude, on en apprendra tous les jours. Pareil comme dans Passe-partout, on en apprendra tous les jours. Hein? On sait que si on fait jouer de la musique aux vaches ou aux poules, ils sont plus heureuses dans les fermes. En tout cas, pour ceux qui l'ont à la référence, ils vont peut-être le trouver drôle. Et bon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. Puis on accueille Angélie Durocher pour sa première chronique de l'année. Oui, bon matin les garçons. Bon matin. Coucou. Est-ce que tu as fait tes étirements de doigts? De doigts? Oui, ça va. Parce que voici l'index. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille Salut, petite voix. Bon matin. Yeah, enfin, elle est revenue avec nous, parmi nous. Oui, mais je trouve ça drôle, petite voix. J'ai quand même pas une petite voix. T'sais, j'ai plutôt une voix rauque. Ben, c'est ironique, hein, de ouais. Je te dirais que t'as une petite voix criarde quand tu cries. Oui, oui, oui. Ça définit bien la tonalité de ma voix. Voilà. Donc aujourd'hui, tu nous parles d'un blog. Oui, je viens vous parler d'un nouveau blog pour vous, messieurs. Le nouveau blog s'appelle Ton Barbier. Bon, il existe une panoplie de blogs dont j'aurais pu vous faire mention, mais j'ai décidé de vous parler de celui-ci parce qu'il vient tout juste en fait d'arriver dans le paysage de la toile québécoise. Ton Barbier, en fait, là, c'est la nouvelle fureur tant sur Twitter, Instagram que sur Facebook. Je sais pas si vous avez déjà liké leur page. Pas encore. Je suis sûre que vous allez. Ouais, c'est ça. Vous allez aller faire ça dès que je vais avoir fini ma chronique. Il y a plusieurs visages médiatiques québécois qui en ont fait mention au cours des derniers jours sur leur compte Twitter. On parle de Marc-André Grondin, Alex Diaz, Alexandre Champagne, Marie-Joëlle Parent et Hugo Dumas. Pour la première journée de mise en ligne seulement, ils ont eu plus de 12 000 vues, ce qui est quand même pas négligeable. Pour un blog québécois. Oui, c'est ça, là. Donc, je vous parle en fait là de ce blog-là parce que je crois vraiment au projet. Puis je crois que ce blog-là a une place puis qu'il saura se glisser parmi les favoris. Favoris! Barbier! Wow! J'ai fait un beau jeu de mots. Hein? Sans vouloir. Hein? Ça semblait que tu le voulais. Ben oui, oui, c'était totalement voulu. Donc, dans les favoris comme guide urbain de plusieurs jeunes hommes tendance comme vous, messieurs. Mm-hmm. Donc, ton barbier, c'est quoi? C'est simple, ça vise à devenir l'outil de référence par excellence du gentleman urbain, comme le disent si bien là, les créateurs de cette nouvelle tendance d'Internet. Derrière ce blog se cache Julien Poisson, ancien étudiant à l'UQAM en médias interactifs, et son bras droit, Alexis Gonzalvez, je suis vraiment désolée si j'ai magané son nom, en plus je le connais depuis vraiment longtemps. Donc, étudiant ici à l'UQTR en communication sociale. Wow! Oui, donc, en plus, on encourage quelque chose qui vient d'ici, de évidemment, l'université. C'est notre mission. Ben oui. Donc, le projet est né il y a un peu plus d'un an lorsque Julien, qui écrivait des billets pour le blog Ton Petit Look, a eu l'idée, en fait, là, de créer le pendant masculin. C'est ça. Parce que Ton Petit Look, c'est vraiment très, très féminin. C'est des nouvelles robes qu'il y a. Puis, oh, c'est ça. C'est ton Petit Look, c'est ça. Ça a été créé en 2010. C'est un blog vraiment axé sur la mode féminine. Donc, Julien a eu l'idée là, de créer quelque chose plus pour les hommes. C'était un manque. Oui, c'est ça. Le concept de ton barbier est fort simple, mais répond tout à fait aux besoins des hommes de 20 à 35 ans. Le but, c'est de simuler sur un blog, en fait, l'ambiance qui peut régner dans un véritable barbershop. Donc, il s'agit d'un lieu où les hommes vont pouvoir se réunir, prendre soin de leur apparence et jaser aussi de tout et de rien. Ton barbier, en fait, vise à être la personne de confiance pour te conseiller. Quand je dis que l'idée a mûri, c'est que le blog ne s'arrête pas seulement à parler que de mode, contrairement à ton petit look qui est le pendant féminin. Oui, la mode est une grande composante, en fait, là, du blog, mais ça va beaucoup plus loin. On peut déjà, en fait, y retrouver des billets sur la culture, la musique, le cinéma, les sorties, le nightlife. Bref, c'est un blog qui est vraiment complet, qui traite en fait de tout ce qui est trendy, tant au niveau local qu'à l'international. Ah, c'est... parce que depuis tantôt, je veux la plugger. Comment ça, tu connais ça, ton petit look, Mathieu? Hey, come on! Hey, là. Mais autant qu'Anne Julie connaît quelqu'un de l'UQTR qui travaille là-dessus, je connais une fille qui travaille sur ton petit look depuis longtemps. Ben, c'est une même que taquinais. Mais c'est quand même populaire, là, ton petit look. Ça a quand même comme 14 500 likes. Je suis allée voir hier, fait que... Non, ben, je connaissais ça aussi. Ah, quand même. Ah, comment ça, tu connais ça? Celui qui l'est. Non, non, non. Donc, comme j'ai dit, ton barbier traite de vraiment plusieurs sujets. Puis afin de couvrir toute cette éventail de sujets-là, ton barbier s'est doté jusqu'à présent d'une équipe de 9 blogueurs. 9 gars vraiment différents qui sont tous, par exemple, passionnés par ce qui est beau, par la mode, mais qui ont tous une touche unique et un créneau vraiment particulier. Ton barbier, en fait, veut offrir aux hommes une place pour s'informer et découvrir. C'est pour ça qu'il y a autant de sujets qui vont être traités sur le blog. Ah, j'aime ça. Je vois sur la page d'accueil en ce moment, conseil d'agencer habits et espadrilles sous les sneakers. Mm-hmm. C'est cool comme exemple. Je veux dire, tu veux avoir l'air de ça, ben, fais-toi là-dessus. Ben, c'est ça. C'est comme un guide de comment t'habiller. Puis c'est ça aussi, les gars veulent offrir quelque chose qui est différent qu'on voit dans les vitrines. T'sais, on a beau se promener sur Saint-Denis à Montréal, ben des fois ça va se ressembler ou ça nous correspondra pas vraiment. Les gars qui travaillent sur ce blog-là, ils veulent vraiment t'amener autre part, te proposer quelque chose de différent. Puis ils vont même te guider ailleurs que dans leur propre truc. Ils vont te conseiller des magazines, même, quand ben même. Oui, je vois ça. C'est ça. Magazines pas de pitounes. Ou pas juste des pitounes. Non, c'est ça. Hein? Ils proposent plein de choses vraiment intéressantes. Puis beaucoup de musique aussi. Donc, ça peut être tu sais des choses que tu ne vas pas nécessairement voir, qui est pas nécessairement le pop qu'on entend à la radio. Que ce soit des courts-métrages aussi, du cinéma de répertoire. Ils vont aller vraiment là, dans toutes différentes sphères. Par exemple, il y a un point plus faible, à mon sens, au blog, c'est que c'est principalement axé sur Montréal. Ouais. Mais, bon, ce qui peut paraître à première vue comme plutôt limitatif pour les régions comme nous à Trois-Rivières, ne l'est pas vraiment, étant donné que le blog va traiter, en fait, de plusieurs sujets. Donc, excepté, par exemple, pour ce qui est des sorties puis du nightlife, que là, Trois-Rivières, on est un peu loin, là. Mais ça se fait quand même bien, aller-retour Montréal, pour quelque chose que tu veux... Une sortie, un musée, un spectacle, c'est ça se fait impossible. Bien. Non, c'est ça. C'est quand même une heure et quart, à peu près, à se rendre au centre-ville. C'est ça. Donc, à part pour ce qui est des sorties du nightlife, tous pourront, selon moi, suivre les nombreuses suggestions et les conseils des blogueurs grâce à Internet et en fait la magie de l'achat en ligne. Donc, tous peuvent aller voir le blog, pas seulement les gens de Montréal. D'autant plus que le blog, en fait, prend l'achat local et vise même à être les spécialistes des produits montréalais, ce qui va, en fait, là, vous permettre de réduire tous les frais de shipping, ce qui est encore plus merveilleux. Donc, bref, le but de ton barbier, c'est de faire réfléchir les gars qui vont aller se promener sur leur blog afin que, lorsqu'ils vont magasiner, ils savent ce qu'ils veulent et qu'ils ont en tête une autre option que celle présentée dans les vitrines ou dans les revues grande surface. Là. Ouais. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est simple, c'est tonbarbier.com et je crois que ça a été mis sur la page Facebook d'Assemblage Requis aussi, lien. Exactement, on va glisser ça dans quelques secondes. Et puis, mais moi, je voulais savoir, c'est un blog, est-ce qu'il est quand même couramment mis à jour? Est-ce que c'est une fois par... est-ce qu'ils ont déjà des délais? Ben là, ça l'a sorti, je crois, le 22 août, quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment, vraiment récent. Puis je pense que j'ai vu des billets là, sortir déjà, tous les jours. Présentation de tous les blogueurs aussi là, qui sort quotidiennement. Puis des nouveaux articles aussi là, qui sortent. OK, il y a de quoi faire. Là. On peut passer une journée. Comme à chaque jour, on peut. Oui, ça vaut la peine. Ben, en tout cas, moi, à date, depuis que j'aime leur page Facebook, je dirais que j'ai eu de l'information vraiment quotidiennement. Puis étant donné qu'ils veulent être le pendant masculin de ton petit look, c'est comme, je sais pas, là, à peu près 10 articles par jour. Oui, ils sont là. Très productifs. C'est ça, très, très, très. Fait que je me dis que ça risque d'être assez productif aussi. Surtout que, bon, Alexis et Julien, les deux ont écrit ou écrit encore pour ton petit look. Donc, tu sais, ils ont quand même de l'expérience dans ce milieu-là. Puis, ils se sont inspirés, là, justement, de grands blogs américains aussi pour créer ce blog-là. Fait que je pense que ça va être quelque chose d'assez stimulant. Puis, je vous invite à aller voir ça. Là. Puis, autant les filles, là, tu sais, des fois, des idées cadeaux, des trucs comme ça, allez liker. Puis, excellent. Très bonne idée. Et pour vrai, cette mode-là, au moins, voilà une mode qui a de l'allure. C'est pas les douchebags, c'est gentleman urbain, j'aime ça comme look. Puis ils veulent pas imposer non plus comme un style. Là. On dit gentleman urbain, là, ça veut pas nécessairement dire comme veston, habit, cravate. C'est ça. Oui, ça peut être d'abord ça. De la classe. C'est ça, mais ça peut être autre chose. Tu peux avoir un style plus skater, mais comment bien le porter, comment bien l'assumer, quoi matcher pour que ça te représente bien, en fait, là, pour que t'ailles de la classe. Là. Merveilleux. Merci, Angélie Durocher. Mais ça fait plaisir. On retrouve l'index toutes les semaines. C'est les mardis à 8h30. Tout à fait. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et on poursuit comme ça avec une question qu'on se pose. Comment fonctionne l'intuition et jusqu'où c'est possible de s'y fier? Hein? On va aller voir. Donc, c'est être à l'écoute de son intuition, c'est déjà se faire confiance et ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus ou d'aller à l'encontre de ce que pense la majorité. C'est d'une certaine manière avoir la foi en soi. C'est être à l'écoute de l'ensemble de ses sens, donc être en empathie avec l'environnement. On peut alors percevoir des choses qui ne sont pas visibles au premier coup d'œil. Les personnes qui manquent de confiance en elles ne vont pas être à l'écoute de cette intuition. Au contraire, elles vont la réfréner par peur de se tromper ou d'avoir l'air ridicule. Comment de fois qu'on s'empêche de faire des choses, hein? La gêne, ça nous empêche-tu de faire des affaires souvent? Quand on est jeune, ça, on le remarque plus. Il y a des jeunes, si tu dis, ah, tu veux-tu? Non, je suis trop gêné. Eh bien, la gêne, ça va t'empêcher d'être heureux. C'est pas mal sûr. Pour en savoir plus sur le sujet, eh bien, retrouvez le livre de Ralph Doubley, Pourquoi vous vous trompez tout le temps? Allez voir ça. Et lorsqu'on est confronté à plusieurs choix, il est souvent recommandé de se faire confiance et de faire confiance à son intuition. Mais au fond, qu'est-ce que l'intuition? Quels sont les ressorts psychologiques et qu'a-t-elle de supérieur aux autres formes de réflexion? D'après les neurosciences, l'intuition est une forme d'intelligence présente en chacun de nous, ce qui veut dire qu'elle peut se travailler et se développer. Encore faut-il se faire confiance. Toujours est là, hein? La partie rationnelle de notre cerveau gère nos apprentissages et l'autre partie est plus émotionnelle. OK? Relationnelle et adaptative nous permet, elle, de sortir des contraintes logiques et répétitives. L'intuition aurait à voir avec cette capacité à imaginer des réponses et des solutions hors logique, prédictibles. Vous avez une intuition quand la réponse s'impose à vous comme une évidence. Jusqu'où peut-on faire confiance à son intuition? Existe-t-il des domaines dans lesquels il faut la mettre à profit et d'autres où, au contraire, il faudrait plutôt s'en méfier? Il n'y a sans doute pas de limite à faire confiance à son intuition si l'on sait faire la différence entre intuition et désir. Ou je dirais entre intuition et pensée magique. Hein? Le désir est ce que l'on souhaite, là la pensée magique. L'intuition est ce que l'on a inconsciemment analysé et ce n'est pas du tout pareil. Non, et ça, beaucoup de personnes devraient peut-être réfléchir sur ça. Hein? Si on reprend les théories de neuropsychologues, eh bien l'intuition est favorable pour tout le monde, mais certains métiers ne peuvent pas se contenter de se reposer uniquement sur l'intuition, comme les comptables ou les analystes programmeurs. Mais en règle générale, l'intuition est une formidable boussole qui permet de modeler son quotidien au plus près de ses besoins, de ses envies et de ses compétences. Intéressant. L'intuition, est-elle un équivalent humain de l'instinct animal? Pourrait-il s'agir d'une caractéristique dont la fonction serait d'assurer la survie de l'espèce? Eh bien, l'instinct est un mouvement intérieur naturel aux animaux qui les fait agir sans le recours à la réflexion pour accomplir des actes conformes à leur espèce et adaptés à leurs besoins. La nature a donné à tous les animaux l'instinct de leur propre conservation et chaque espèce a son instinct particulier. Les bêtes se gouvernent par pur instinct. Si l'on transporte ce mouvement involontaire à l'homme, eh bien, mouvement auquel on attribue des actes non réfléchis et non délibérés, cela se rapproche de l'intuition, mais dans des circonstances exceptionnelles. On entend souvent après coup les gens dire il a fait cela plutôt par instinct que par raison. Peut-être que c'est un reste de notre cerveau reptilien. Hein? Bien intéressant, l'intuition. Donc, faites-vous confiance, c'est le mot d'ordre de cet article, vraiment. Et, on va refaire quelque chose, on va se faire confiance. On va aller dans un segment qui, l'an passé, allait très, très bien et faisait plaisir à plusieurs amateurs de musique. Eh bien, c'est le segment des mille et une chansons qu'il faut avoir écoutées dans sa vie. Et je me rappelle plus trop exactement où est-ce que je vous ai lâché, mais je vois mon papier ici sur notre ami Jimi Hendrix et la pièce Purple Haze. Je pense que je l'ai fait jouer à la dernière émission, mais je pense que ça peut bien repartir la chose avec une pièce pareille. Donc, je vous envoie la petite histoire de cette pièce. Pour les plus jeunes, habitués au heavy metal et au numérique, il est difficile d'imaginer le tollé général qu'ont suscité les premières guitares électriques fonctionnant en surmultiplié. Pourtant, James Marshall Hendrix, hein, le premier musicien à pousser l'extrême limite des effets tels que la distorsion, il a même inventé le phaser, le flanger, a été salué comme un pionnier quand il a émergé de la scène R&B avec des chansons comme celle-ci qu'on va écouter tantôt. Sortie uniquement en single en Angleterre, elle sera intégrée dans le 33 tours américain Are You Experience? Purple Haze commence par un riff insistant et dissonant construit sur un accord de cinquième diminué, appelé la Diabolus in Musica au Moyen-Âge parce qu'on le considérait comme néfaste. On dirait que c'était la musique du diable, hein? Vraiment. S'il nous paraît encore intimidant aujourd'hui, songez à l'effet qu'il a pu produire durant l'été de l'amour, le Summer Love en 67, avec Purple Haze Hendrix. Eh bien, alors âgé de 25 ans, se réfère de manière délibérément opaque aux drogues psychédéliques venues transformer les marges de la culture populaire de l'époque ainsi que la société. Trop obscur pour être déchiffré par l'homme du commun, mais véritable manne céleste pour les adeptes toujours plus nombreux, ses paroles évoquent la confusion éprouvée au milieu d'un brouillard lysergique. Hein? Wow! Un purple haze! Même s'il ne manifeste pas le désir d'en sortir, ponctuant son texte de solo de guitare incandescent. Hendrix dépeint ici un chaos total, un ciel ou un enfer dépourvu de tout paramètre. « Excuse me, I kiss the sky. Hein? » Ben oui, « Embrasse le ciel », crie-t-il. Et on ne sait plus s'il est prophète ou démon. Le Purple Haze est un véritable... Le Purple Haze aussi est une variété de cannabis dont les fleurs sont violettes et non pas vertes. Hendrix disait que l'idée de la chanson lui était venue lors d'un rêve où il marchait sous la mer. L'intention, en tout cas, est des plus évidentes. Hendrix indique que seul un état de conscience altéré peut nous faire le voir le monde tel qu'il est. Vraiment, ou comme il ne l'a jamais vu. Hein? Donc, cette pièce aussi a été un phare dans le film Apocalypse Now. Il y a un Purple Haze, à un moment donné, la pièce joue, c'est parfait, c'est vraiment là où elle devait jouer. Elle a été influencée, cette pièce, par The Time They Are Changing de Bob Dylan en 64. Excellente, grande pièce, celle-là aussi. Elle a influencé... Hey Dude de Kula Shaker, et elle a été reprise entre autres par Soft Cell en 83, par Kronos Quartet en 86, par Frank Zappa en 91, par The Cure en 93, ainsi que par Paul Rodgers and Company en 93. Sûrement plusieurs autres petits groupes aussi l'ont reprise, mais bon, il fallait quand même pas aller chercher toutes les pièces qui ont été reprises, là. Je veux dire, Purple Haze, ça a été repris par tous ceux qui ont commencé à jouer de la guitare, je crois. Alors, pour se faire plaisir dans le segment des mille et une chansons qu'il faut avoir entendues et savoir apprécier dans sa vie, eh bien, on écoute ce grand classique de 1967, Purple Haze, dans le Dîner de cons. Je vous invite à rester là. Excellente pièce, Purple Haze, un classique bien sûr dans le segment des mille, une chanson qu'il faut avoir entendue et savoir apprécier dans sa vie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. À assemblage requis. Charles-Antoine Rioux. Et puis aujourd'hui, on va parler de plein air, comme toujours. Donc, mettons sa chronique sur sa petite intro de même. Juste oui. Pour voir. Oh, attention. Ouh. Me voir dévaler la pente encore une fois. Oui, t'as du talent. Je m'améliore à chaque fois. Je pense que je me... On va donner une note à la fin. Je vais aller un peu plus loin. Facilement 9.12. Ah, kilomètre. Wow! T'as mis du Crisco en dessous de ta carpette. Hey, ça un peu silicone à push-push comme ça pas des boules. Là, c'est parfait. Oui. Exactement. Donc, Charles-Antoine qui vient nous faire encore une fois cette année une chronique truc astuce du club plein air écutaire. Effectivement, bon matin, messieurs. Salut, salut! Alors, pour pour ma première chronique de l'année, on ouvre en grand. OK. Ce matin, on va apprendre comment... Il n'y a pas de belle façon de dire ça. Je suis désolé, on est en onde, je le sais, mais comment faire caca dans le bois? Donc, c'est ouvrir grand les valves, les tuyaux. En fait, je pense qu'il y a, vraiment trois et demi étapes importantes si vous voulez aller faire caca dans le bois. Souvent, le monde se dit « Ah, s'il n'y a pas de toilette, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me retiens? » Eh bien non, ne vous retenez pas, s'il vous plaît. Si vous partez, mais c'est pas bon. Là, il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Non, exactement. On veut vraiment se tirer dans le pied. On veut un peu ruiner notre expérience de plein air parce que au lieu d'être concentré sur « Ah, les beaux oiseaux, ah, les beaux arbres », on se concentre sur « Il ne faut pas que ça sorte. » Ah, oui, ou la fameuse crampe. Les oiseaux, ils gênent pas, eux autres. Ben non, c'est ça. Il n'y a personne qui gêne sur nous autres. En fait, ça, j'ai jamais compris. Donc, s'il n'y a pas de bécosse, parce que des fois, il arrive qu'il y a des bécosses. Mais en fait, c'est le fun quand c'est bien aménagé, parce que t'as pas à avoir tout le trouble d'avoir à créer ta propre bécosse. C'est ça, t'auras peut-être pas tes petites serviettes humides pour la fin du besoin. Non, c'est ça. Mais au moins, tu vas pouvoir te satisfaire. Mmh. Première étape, c'est toujours une question de distance. Idéalement, on veut être, premièrement, assez loin de ses amis pour pas qu'ils nous voient en train de faire. Venez me rejoindre, on va être qu'il est oui. C'est un bon début, mais surtout une distance de cours d'eau. Parce que veux pas... Avec la pluie, souvent, le gros problème avec ça, c'est que si vous faites juste pas creuser de trous, faire ça à l'air libre comme ça, ça va... Comme nous, on mange des choses différentes qui posent en nature, ouais. Ben, les animaux vont être attirés par ça. C'est ça. Beaucoup d'animaux qui se nourrissent de défécation, mais ça peut un peu altérer leur alimentation. Aussi, on veut pas que la pluie emporte ça ailleurs. Donc, faut faire ça même quand on l'enterre à au moins 30 mètres. 30 mètres, c'est 30 bons grands pas de tout cours d'eau, donc lac, ruisseau. C'est vraiment le plus important. Donc, si vous voyez un petit ruisseau, un petit lac, eh bien, pognez 30 grands pas dans une bonne direction. Vous dites, OK, là, je suis correct. Okay. Si vous avez un doute, prenez-en 10 de plus juste pour être sûr. Première étape, c'est la distance. Encore une fois, faites-le pas quand le monde vous regarde, s'il vous plaît. Dans un sentier, là. Allez plus loin que le bord du sentier. Oui. Ben, je t'attends pas. C'est dans le sentier. C'est à côté de mon truck. Et oups, dans la route. Et voilà. C'est toujours agréable de croiser des compagnons randonneurs qu'on connaît pas puis de rencontrer. On a juste une chance de faire une bonne première impression. Oui. C'est une bonne première trace de break. Après ça, l'étape, c'est le trou. Il faut qu'on ait un trou au moins. Ok, le trou à terre. Le trou à terre, ouais. Oui, c'est... Aïe, aïe. Wow. Le trou dans lequel? Parce qu'effectivement, il faut creuser un trou. Input-output. Input-output. Ça, c'est l'output. Faut le créer vous-même. C'est important de creuser un trou. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui marche dans la forêt parce qu'il a vu des framboises ou qui cherche son propre trou. Puis... Il marche direct dedans. C'est arrivé à un de mes collègues qui est dans un camping un matin. Un de ses clients qui n'a pas voulu aller plus loin que le site des campings pour faire sa job. Il l'a fait sur le bord de la tente. Lui, il est en sandales le matin. Il s'est fait partir le feu puis faire du bon café pour ses clients. Puis direct dans le donut. J'espère quand même, dans sa malchance, que c'était le pied gauche. Parce que semblerait-il que ça porte bonheur. J'essaie de virer ça. Oui, j'ai demandé de rire. Ce que je me souviens, c'est que le type avait été bon, soit là. Oui. J'ai senti mal un peu. Donc, d'où l'importance de vraiment creuser un trou. Évitez ce genre de situation-là. On veut un trou de au moins 30 cm. 30 cm, c'est la règle qu'on avait quand on est au primaire ou au secondaire. Au moins ça de profond. Puis pour ça, la largeur, ça reste à vous. Si on commence très, très gros, si on est débutant, on rétrécit, si on est intermédiaire, puis qu'on est rendu expert à viser, mais on le fait vraiment. La cible. La comme cible. Dans le temps avec Charles Lafortune. Oui. Oui. C'est le cercle, je crois. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle la cible. Ça se peut. Ouais. Donc, voilà. L'important, c'est vraiment la profondeur. Puis, allez pas, quand vous creusez, là, que ce soit avec vos mains, avec votre pelle, ou souvent, les gens vont prendre leur gamelle. Si vous voulez pas traîner de pelle à randonnée, mm-hmm. parce que c'est pesant, votre gamelle, surtout si on s'en sert avant de faire la job, ben, y a pas de danger à la salive. Bon conseil, ouais, quand même. Après, je vous recommande pas. Mais, donc, allez pas jeter la terre vraiment trop loin, parce qu'on veut servir de la terre pour la renterrer. Des fois, le monde la creuse, puis on y arrive à la fin, je me dis, qu'est-ce que je mets dedans? Il n'y a plus de terre. Fait que le pêcheur a un petit à côté, ça va être parfait. Ça va être... Ensuite, ben là, évidemment, il y a de faire ce qu'il doit se faire, écouter l'appel de la nature. À ce moment-là, il y a pas de bonne ou mauvaise position. On va dire, c'est comme le squat. Hein? Moi, j'aime bien le squat. Ouais. Je suis un fan des positions catch au baseball. Ouais. Vraiment un fan. Ouais. Il y a ce monde qui a mis à s'accoter le dos sur un arbre. C'est plus dur parce que creuser un trou à base d'un arbre, parce qu'il y a des racines. Il y a ce monde qui a mis à avoir deux petits arbres devant soi pour se tenir en position squat, mais se tenir un peu en équilibre. Ok, quand même. Ça serait quand même bien. Parce que le squat, on sait que c'est mieux que tout le reste comme position. Oui. Pour sortir, l'angle du colon et tout, là. Tout à fait. Ne serait-ce, physionomiquement, c'est avantageux. Ça pousse votre corps évacué, donc c'est une bonne chose. On a reculé pas mal quand on a inventé la toilette. La fameuse toilette. Puis si vous êtes vraiment nostalgique de la toilette, là, je vais vous donner un petit truc. Moi, souvent, quand j'ai des clients, je fais ça, puis les autres vont triper juste par le petit confort. T'arrives à un site où il n'y a pas de toilette, va creuser un trou pour toute la gang. Fait que là, si vous êtes plus qu'un à faire là-dedans, faites-le plus creux que 30 cm. Ben oui, oui. Faites un gros trou, OK? Ça fait une petite bosse, boum. Après ça, devant le trou, mettez une grosse roche que vous trouvez. En avant du trou. J'ai juste collé sur le bord. Puis, prenez-vous deux bouts de bois, où il n'y a pas trop de branches, au pire, vous aurez écorcé un peu avec la hache, très confortable. Et puis, allez les déposer en V sur la roche qui s'écarte vers l'arrière. Ça fait un V, ça fait un bol très confortable et surprenamment stable. Donc, si vous êtes nostalgique vraiment d'avoir le bol, vous pouvez vous en créer un, ça prend 30 secondes et c'est très confortable. Très bonne idée. C'est de là que vient la station V. Ils font juste des émissions de marre. Wow! Aïe, aïe. Celle-là était... Oh, c'est un délice. Et effectivement, après ça, le plus important, c'est de renterrer votre trou. Et mettez une roche par-dessus. Mettez donc une roche ou juste un bâton qui est planté. C'est un bâton mort. Parce que il y a rien de pire que de recreuser un trou. C'est ça. Trouver un site à une bonne distance, qui a une belle vue, il y en a pas beaucoup. Fait que souvent, les gens ont tendance à aller à la même place inconsciemment parce que hey, ça, c'est un beau site, on va aller faire là. Mm-hmm. Puis quand tu sacs ta pelle dans le trou de quelqu'un d'autre, en sachant très bien que tu as juste un sac pour ta pelle et ta gamelle, pour que tu ne vas pas te mettre ta pelle dans le même sac après, tu sais jamais le dire. Ah, c'est pas fun. Donc, mettez une roche, mettez un bout de bois qui dépasse juste pour dire hey, ça c'est rare. C'est moi, ça. C'est de ça. Moi. C'est mon territoire. Je le réclame. Où je disais le point 5 là-dedans, dans trois étapes, c'est qu'il y a aussi l'étape très hygiénique, très importante de s'essuyer. Il n'y a pas de mal à traîner du papier toilette en expédition. C'est ça. Il faut quand même un minimum de confort. Là. Des feuilles, c'est bien beau, là, mais c'est parce que c'est pas souvent, très... c'est mince. Les doigts passent au travers assez rapidement. On a des belles surprises. Mais la seule chose qui est importante avec du papier toilette, c'est que le papier toilette, c'est un produit qui est traité, qui est blanchi au chlore. Oui. Il reste des résidus. Donc, on ne veut pas avoir ça qui est laissé en nature. Si vous faites votre évacuation quotidienne le soir, ben c'est clair qu'il y a un feu de partie. Prenez le temps de le ramener pour le brûler, votre pétolette. Et là, l'odeur, j'imagine, est assez insoutenable, non? Surprenant, non. En fait, on s'en. Puis, évidemment, t'as pas la face dans le boucan quand tu fais ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que ça sent un peu, mais c'est pas si pire que ça. Donc, ne l'enterrez pas, justement. Prenez le temps de le ramener. Si vous êtes durant la journée, tout le monde a toujours un sac de vidange qu'on traîne. Comme avec le petit chien, là, tu fais juste prendre ton besoin. Bon, tu peux le faire aussi si tu veux, si tu préfères traîner, parce que avec le petit chien à randonnée, faut que tu ramènes le sac complet, fait qu'au fur et à mesure que tu traînes tes souvenirs. Mais au moins, juste le papier, ça serait vraiment l'idéal. Mm-hmm. Puis si vous avez vraiment pas le choix, vous avez aucune façon, eh bien, vous pouvez l'enterrer, mais c'est vraiment pas recommandé. Ou allez vous acheter du papier cul qui est biodégradable. C'est vrai, ça doit exister. Ça existe tout à fait. Mais moi, je suis quand même très fan des feuilles. On peut s'arranger. Il y a certaines espèces d'arbres comme le tilleul ou comme l'érable de Pennsylvanie qui font des énormes feuilles. Puis c'est agréable. C'est un côté que t'es nerveux, donc un côté rugueux pour les gros morceaux. Le dessus, c'est plus doux. Trois épaisseurs. Confort. Oui. Pour la fin, trois plis. Tu le plies trois fois, tes feuilles. Mais est-ce que tu choisis ta place où aller camper en fonction de l'arbre qu'il va y avoir pour mieux t'essuyer? Non. Non, mais quand tu marches, tu peux faire des réserves. Exactement. C'est en ce patin. Ouh, lui, on apprend un peu. Évidemment, s'il vous plaît, prenez pas toutes vos feuilles sur le même arbre. Parce que l'année d'après, ben lui, ils sont plus là pour t'aider. Ouais. Pour être respectueux. Seul. Et de grâce, je vous en prie, si vous allez brûler votre papier toilette le soir autour du feu, faites-le pas quand quelqu'un fait à manger. Oh. S'il vous plaît. Ça arrive, nous autres, dans le métier, ça arrive à chaque année. Il y en a toujours au moins un. Ok, il pense pas. Moi, j'ai une anecdote de ça, justement, en parlant de position accroupie, le catcher, là, pour faire ses besoins. C'est un de mes amis qui était moniteur de camp. puis que justement un des enfants était tu sais, ça y a pogné là, il est en randonnée, il faut que j'aille faire mon numéro 2. J'ai pas le choix, donc il a dit c'est bon, t'es exactement le même principe, fait le trou, sauf que le il a pas fait la position du catcher, il s'est juste comme accroupi. Sauf que cette journée-là, il y avait plu le matin, donc l'enfant avait mis ses bottes de pluie. Et puis, est-ce que t'as déjà, tu sais, les bottes de pluie que tout le monde a, là, genre noires. Les bottes à tuyaux, qu'on appelle. Oui, exactement. Mais c'est ça, justement, en parlant de tuyaux, c'est ce qui est arrivé. Parce que quand tu t'accroupis, tu sais, c'est vraiment caoutchouteux, donc ça fait comme un, ça s'évase. Et puis, c'est ça, il a fait ses besoins, puis c'est genre tombé direct dans la botte. Donc, tu sais, quand tu t'es relevé, ça. Là, c'est la botte a repris sa forme initiale, donc ça a tout étampé dans sa jambe. C'est dégueulasse. Bon matin. Bon appétit. Bon matin. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de gens qui mangent du gruau. On leur souhaite pas. Non. Moi, j'avais terminé vraiment en disant c'est jamais élégant, ça jamais la classe, mais c'est super important d'aller faire ses besoins. Les tabous là, dans la vie, hein? Il faut que ça se discute, ces sujets-là. Si tu vas dans le bois, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut le savoir. Bon, merci. Merci. Merci à vous, messieurs. Ouais. Jean-Antoine Rioux du Pépinard Upiter. Est-ce que les gens qui pourraient nous écouter puis qui sont nouveaux à l'UQTR ne savent peut-être pas ce qu'est le groupe UQTR? Effectivement. Moment de leur dire. Le Pépinard UQTR, R-A-I-R et non la lettre. Ça, je pense qu'on le répète à chaque émission, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. À chaque fois, je disais UQTR, mais Jean-Philippe me reprenait pour me dire que c'est UQTR. Là, on met le débat à nous. Nous, on dit UQTR, mais en théorie, ce serait Si ça avait été UQTR, t'aurais pas écrit UQTERRE. C'est vrai qu'on aurait pu. C'était une des options pour le film. En fait, pour résumer pour nos auditeurs, le club de plein air, en fait, c'est un club de plein air. On est un comité à l'université qui organise des sorties à chaque 2 semaines, on essaye, de plein air. Donc, on parle de randonnée pédestre, on va parler de ski, de ski de fond, on va faire de la raquette, un peu de tout. D'escalade aussi, l'année passée. Aussi, oui. On va recommencer, ça a été très, très populaire. Donc, on a une page Facebook. Vous allez écrire UQT'AIR. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet, sur le site de l'université, donc www.uqtrlalettre.ca/UQTAIR. Et puis, notre calendrier va être affiché sous peu. Je peux vous dire, il est pas encore officiel, mais quelques petits sneak peeks comme ça, on pensait aller faire bientôt de la mycologie. On va faire une petite sortie, justement, pour cueillir des champignons dans les prochaines semaines. Avec la pluie qu'il y a eu, ça va être génial, puis on est en plein dans le moment pour des bons champignons. Et aussi, évidemment, il va y avoir l'escalade, puis assurément, une petite sortie de raquette d'ici la fin de la session, quand il va y avoir de la neige. Quand il va y avoir de la neige. Bon, génial. Donc, on se retrouve aux 2 semaines. Oui, oui, tout à fait. On va pouvoir se tenir à jour sur les activités qu'offre UQTAIR. On va te commander pour organiser une activité de CFOU. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, qui mangent la merde. Oh yeah! Ben oui, on est rendu où? Dans le moment le plus important de la semaine, la dégustation officielle d'une excellente bière de La Barrique. Je dis excellente, on va le voir là, hein, parce qu'il faut pas quand même être vendu d'avance, quoique avec la bière, hein, ça peut arriver. Donc, bienvenue dans cette première chronique de la session. Je vous félicite si vous avez suivi notre série cet été qui s'appelait « Ton dîner dans une bouteille ». Sûrement, ça reviendra l'été prochain, mais bon, on va commencer par cette année. C'était un regroupement de toutes les chroniques qu'on avait vécues, qu'on avait fait ici même dans le dîner de cons, dans le moment de déguster notre bière de la semaine. Cette semaine, eh bien, je suis allé voir mon ami Xavier, mon ami Maxime. Maxime était là, Xavier était en réunion. Et puis, ils m'ont présenté quelque chose. C'est la société Origal et les brasseurs illimités, hein, quand même. Sont pas, c'est pas les derniers arrivés, qui nous ont fait une petite bière. Elles sont à leur deuxième brassin, je crois, et elle se nomme la Saison Chaude. Wow! Une bière forte, non filtrée, qui est justement une collaboration entre une brasserie, Brasseur Illimité, et la société Origal, qui est une société du genre de cueilleurs, de un peu comme les cueilleurs boréales, ceux qui vont aller cueillir des plantes dans la nature, cueillir des champignons, cueillir des herbes. Cette fois-ci, on a du baumier et de l'achillée millefeuille, je crois, qui ont été mis là-dedans, donc qui donnent des saveurs vraiment du terroir. Donc, on a un petit goût de sapinage avec le baumier, et on a le petit côté, je pense que c'était amer et un peu orange, mais je me rappelle pas. Je prends juste les mots qu'on m'a donné tantôt. Là, le moment est venu de s'ouvrir cette bouteille et de la déguster. Premièrement, se la couler dans un verre, et puis premièrement, l'apprécier au visuel, et ensuite, l'apprécier au gustatif. On baisse notre trame, hein? Faut pas perdre faut pas perdre nos mauvaises habitudes. Ouais, tout à fait. C'était le mot qu'il fallait dire. Donc, je me ferme et je vais laisser chanter le goulot de cette bière. Et elle a véritablement chanté. Vous l'avez entendu? Vraiment. Et on se la coule. Ça sent si bon la Gaule. Non, ça sentirait plus la Belgique, là, mais quand même, c'est pas loin, là, la Gaule, la Belgique. Wow! Premièrement, au look, une bière qui a un look non clair, donc non filtré. Moi, ça me déplaît pas du tout. La couleur, c'est une couleur abricot. Abricot, oui, ça ressemble à de l'abricot, ça, un peu. C'est orange-rouge, un petit peu brunâtre, un peu rouge, un peu gris, mais pas gris plate, là, mais on voit que ça travaille, on voit qu'il y a de la céréale là-dedans quand même. Et puis au nez, on va sentir. Effectivement, ça sent la Belgique, ça sent les arômes bien sucrés quand même, mais pourtant, c'est pas une bière qui est sucrée, là. C'est une bière qui est à 6,5% d'alcool. C'est pas les grosses bières fortes là, que je suis habitué de boire à 9, 10, 11, 12%. Mais quand même, le col est assez persistant. La mousse, pas des trop... Ben, un mélange de micro-bulles presque imperceptibles et de grosses bulles bien, bien grasses. Et puis, ben tiens, on va essayer de se l'envoyer derrière la cravate. On remonte la trame. Oui, acidulé, une petite amertume aussi, mais qui n'est vraiment pas déplaisante. Très facile à boire. Elle réchauffe le cœur, même si malgré son petit 6,5% d'alcool, je sens bien l'alcool quand même qui descend, qui nous réchauffe. Faut dire que je suis à jeun, là, j'ai à peu près même pas déjeuné aujourd'hui. Mais non, c'est très bien. S'en avoir une petite rasade encore. Donc, cette collaboration est justement le fruit... ce fruit est une collaboration, pardon, de la société Origal qui cueille des herbes dans la forêt boréale et les brasseurs illimités qui s'amusent un peu partout. Si on s'en va sur ratebeer.com, je vous invite premièrement, si vous êtes amateur de bière, à connaître et à découvrir ce site qui est, ma foi, extraordinaire. Elle est vraiment, mais vraiment complet. Il y a tout. Sérieux, toutes les bières ou presque. Il y a celle-là, elle vient juste de sortir. Puis j'ai demandé au gars de la barrique, j'ai dit, pensez-vous qu'elle est sur Rate Beer? Automatiquement, c'est presque là. Puis t'as des gens qui se mettent une. Comme mission, on dirait, d'aller rater ces bières-là. Donc, comment ça fonctionne? Justement, bien, vous créez un compte et puis vous allez nous parler de votre bière. Il y a des critères et puis on peut autant écrire critères avec une note que donner sa propre description de ce beau bijou. Ici, ce qui est le fun en plus sur ratebeer.com, c'est que tu vois les gens et tu vois le nombre de critiques qu'ils ont. Donc, si quelqu'un a au-dessus de 500, 600, 1000, 3000 critiques, commence à savoir de ce qu'il parle. Tu sais, comme il y en a un ici devant moi, il y a 8681 critiques. J'essaie de voir comment tu peux réussir à avoir bu 8881 bières différentes, mais en tout cas, il doit juste faire ça dans sa vie. Sinon, tiens, on va aller en prendre un qui est tout près ici à Montréal. C'est Alain G. Il y en a 791, lui. Si je commence sa description, il part avec, couleur abricot, exactement comme j'avais dit. Non filtré, lui dit voilé. Elle a une belle mouche blanche qui se résorbe lentement en laissant des traces qui glissent sur le verre. Ah, que c'est-tu pas assez beau? C'est poétique, c'est poétique. Le nez est poivré. Moi, je vois pas tant. Moi, je trouve qu'il est plus poivré sur la langue qu'au nez. Il dit assez intensément, alors que les effluves de zeste d'orange réussissent à passer au travers. Un parfum de vanille suit pas très loin derrière. En bouche, c'est acidulé. Moi, j'ai de la difficulté à trouver la vanille, mais c'est peut-être le côté sucré que je vous disais tantôt. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, l'amertume ne semble pas vouloir abandonner son emprise. Ça, c'est vrai. Mais comme le syndrome de Stockholm, on s'y attache. Ça, c'est une très bonne phrase. Hein? Moi, j'adore. Elle n'est pas criarde et semble s'adapter à nos papilles. Parfois, c'est le côté poivré qui prend le dessus. Oui. Mais moi, le côté poivré, je le sens pas tant. Le côté agrume un peu. Le côté amer, ça, il est là. Mais comme il dit tantôt, c'est vraiment pas criard. Et ça s'adapte parfaitement bien. C'est vraiment une très bonne bière à boire. Pas nécessairement en repas. C'est une bière qui peut être prise à peu près à tout moment du jour. Autant si vous avez envie d'une grosse bière forte que d'une bière plus rafraîchissante, style IPA l'été. Sinon, on s'en va avec Slovak Sniper, qui lui en a quand même critiqué 2342. Il nous vient de Frelishburg. Je sais pas s'il sait qu'on parle de lui sur Internet. Lui nous dit une robe dorée. J'aimais mieux le côté abricot. Je trouve que c'est vraiment la couleur de la bière, même à l'abricot. Je ne sais pas si vous connaissez la Saint-Ambroise à l'abricot. Hein, il ressemble beaucoup en couleur, je parle. Pas au goût, là, vraiment pas, mais pas du tout. Elle s'embrouille rapidement. Ben, comme on disait tantôt, c'est voilé. Elle a une belle tête mousseuse qui reste figée assez longuement. Un nez qui intéresse par ses parfums de levure. Oui, la céréale. Moi, c'est ce qui me monte à mon nez, vraiment. Beaucoup plus que le poivre, c'est la céréale. Le côté, justement, belge. Puis, à mesure que je vous parle, je le teste et puis c'est tout à fait ça. Hey, ça fait longtemps que j'avais pas fait de critique de bière, puis ça faisait même longtemps que j'avais pas bu de bonne bière. J'en ai bu quelques-unes cet été. J'ai été un peu plus sur le vin. Cet été, j'ai fait un trip assez intéressant. On s'est promené dans quelques microbrasseries. On est allé, entre autres, à la microbrasserie de Baie-Saint-Paul, la microbrasserie de Charlevoix, qui est facilement une de mes trois meilleures microbrasseries au Québec, avec les Trois Mousquetaires et peut-être le Dieu du Ciel. C'est Dieu du Ciel, Trois Mousquetaires et la microbrasserie de Charlevoix. Ce sont mes trois tops. Mais gars, il y a tellement de bons produits, c'est bien, bien intéressant. Donc, Slovak, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parlait que c'était la levure, des vapeurs restreintes d'aromates et d'épices, oui. Moi, je trouve qu'à date, il est vraiment très, très bien pointu. Il dit que ses papilles se plaisent aussi à enregistrer ce mélange d'herbes et de céréales piquantes, touchées par quelques notes citronnées. Et moi, tantôt, je voyais des agrumes, là. Mais j'ai de la difficulté, par contre, à percevoir le côté du baumier, là, le côté sapiné. Ça, je le sens pas. Mais pourtant, il est supposé en avoir dedans. Mais ça n'a pas donné une si grande... ça n'a pas donné de goût tant que ça. On réessaie. Donc, il dit... en bouche, il perçoit un corps moyen avec un pétillement modéré. Une texture légèrement huileuse. Pétillement, moi, j'en sens pas. Je sens aucun gaz à l'intérieur. Le côté huileux, un petit peu. La finale, il l'a dit plutôt courte. Moi, je trouve pas parce que l'amertume persiste. Mais comme il disait, comme le syndrome de Stockholm, on s'y attache, mais il s'en va pas. Il reste vraiment là. Faiblement amer et un peu sèche. Tout compte fait, une bière bien plaisante à humer et facile à boire. Ben, moi, dans sa dernière phrase, je suis parfaitement pas d'accord avec lui. La finale, je la sens pas courte du tout. Elle est pas faiblement amère, elle est assez amère. Sèche, non, je trouve pas. Par contre, elle est complexe. Une bière plaisante à humer, facile à boire. Ça, tout à fait. Je suis bien, bien d'accord avec Slovak Sniper. Et puis, tiens, pour s'en faire une petite dernière, on va aller parler de Bière Luc. Bière Luc qui nous a agrémenté la saison dernière avec quelques chroniques. Hein, et on prenait souvent ses critiques. Il nous dit une bière orangée. Pas tant, plutôt abricot qu'orangé, trouble, oui. Un nez assumé avec des levures belges et épices, tout à fait, mon bière Luc. Une pointe d'agrumes qui perce les narines, tout à fait aussi. En bouche, la bière est à la fois aqueuse et ample. C'est difficile à expliquer, mais elle est mince tout en ayant une corpulence épicée qui lui confère un corps plus velouté en finale. Je dirais oui, sérieusement oui, mais le côté velouté est un peu coupé par l'amertume qui persiste. Les agrumes s'expriment toujours sans sombrer dans l'excès. La levure aussi qui s'additionne bien au bilan des saveurs sans pour autant créer trop de lourdeur en bouche. Elle est bien ronde quand même, cette bière, mais très facile à boire. Voilà un produit bien équilibré qui trouve le juste ton pour nous adresser la parole. Et il dit qu'il a beaucoup apprécié les figures de style des brasseurs illimités autour du thème saison dernièrement, la saison voutère, la saison chaude ou simplement simplement malte saison. Donc, très, très intéressant cette petite description. Et puis, je vous invite à visiter premièrement La Barrique, 4170 Boulevard des Forges à Trois-Rivières. Sinon, ben, allez visiter peut-être le site de Brasseurs illimités. Sur ce, je vous dis, on s'en va en musique avec une grosse, grosse pièce de quelques, 10 minutes. Et puis au retour, on va avoir notre ami Simon-Pierre Duchesne qui va venir nous parler de son spectacle demain à Trois-Rivières, donc avec Citron et les Chiens de tête. On s'en va écouter l'excellente et magistrale pièce de la formation GAS. C'est sorti en 1995. C'est une pièce... Ah, oups, c'est pas celle-là. C'est une pièce ambiante vraiment extraordinaire. Je me tanne jamais de l'écouter. La pièce s'appelle Microscopic. Pendant ce temps-là, moi, je m'en vais boire ma bière. écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Ben tiens, on a du fun. Mm-hmm. Et on va avoir encore plus de fun parce qu'on va dépenser l'argent qu'on a. Tu sais, évidemment, on a tous des enfants qui vont à l'école. Non, pas tout. Oui. On a reçu nos premiers écus. Oui. On reçoit des écus à cette heure. Pièces d'or et ouais. Écus. Voilà. Alors qu'on va les dépenser dans Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a... Ça existe, mais ça ne devrait pas, la chronique des choses qu'on s'achète parce qu'on a le loisir de le faire. Et pourquoi ne pas dépenser sur des bonnes choses utiles, hein? Régler des problèmes de la vie en même temps. Voilà. Oui, c'est juste des oui. Les gens acquiescent. À la radio, acquiescer, c'est un petit peu moins, je dirais, recommandable. Performant. Performant. Donc, si vous êtes stressé, mettons, ah oui. Aujourd'hui, les choses vont très, très mal. Tout tourne mal autour de vous. Vous avez besoin de lâcher votre fou. On a 40 000 choses à faire en même temps. Donc, allons-y. Donc, jouer à Tetris. Parce que tout le monde sur son iPhone va aux toilettes et joue à Tetris. Ça te stresse parce que t'es pas capable d'avoir la petite barre. Mais oui. Ben, il faut que tu retournes travailler parce que... Parce que sinon, tu auras une petite barre sur ton dossier. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des morceaux de Tetris, mais squishy, un peu comme toutes les balles anti-stress qu'on retrouve en magasin, là, un petit peu partout. Donc, c'est des blocs fabriqués de ce même matériau-là. Ça absorbe votre haine comme une éponge. Ça va vous coûter 6 $ américains pour une ou un bloc et 10 $ américains pour deux. C'est chez ThinkGeek. Et les morceaux sont choisis au hasard. Ah, fait que tu peux te retrouver à 4 cubes. Oui, ah, les pires, hein. Ou le S, mais jamais du bon bord, hein. Ah, ouais. Rarement. Donc, Tetris Squishy Truc sur assemblagerequis.com. Ensuite, tu sais, quand on fait du vélo, on a besoin d'un miroir pour regarder en arrière. Il y a des vélos qui en ont, il y en a qui en ont pas. Ça dépend de votre niveau de professionnalisme et de est-ce que je veux mourir. Si vous aviez votre miroir sur votre poignet, ça pourrait être une très bonne idée, ça. Oh. C'est Rear Viz, un miroir qu'on porte sur le poignet avec un miroir convexe dans le fond, avec un angle de vue très, très large. Et ça permet de voir ce qu'il y a derrière vous sans avoir à vous contorsionner. C'est fait d'un matériau qui va à l'eau, en fond, qui est à l'épreuve de l'eau, hydrofuge truc. Et c'est bien en deux grandeurs, une pour le poignet et l'autre pour le bras, le bicep, hein, parce que j'ai le haut du coude. Là. Les pipes, l'endroit entre le coude et l'épaule, oui. Ça coûte entre 23 et 37 $. Ça doit dépendre de la grandeur, si c'est le poignet ou le bras, c'est pas le même prix? Non, c'est ça, okay. C'est ce que je sais exactement ça. Moi, je serais vraiment du genre à aveugler tous les passants avec mon petit miroir. Juste par pur plaisir. Là. T'es comme un chat, dans le fond. Hein? Comme avec ta montre, un chat, ça. Ouais. Maintenant, du sable qui colle tout seul ensemble et qui ne colle pas à vos doigts. C'est comme du sable humide ou mouillé, sauf qu'il ne sèche jamais et qu'il ne colle pas à vos doigts. C'est fait à 98% de sable. Un revêtement propriétaire, dans le fond, on ne saura pas c'est quoi la recette. Et on peut le mouler, jouer avec, faire toutes sortes de formes et repartir à zéro. Et ça va évidemment devenir plate à longue. Je vais juste ce jouet-là, mais pour l'instant, ça a l'air d'un bon petit gadget. 15 $ pour un sac de 2,2 livres. Ben, l'été prochain... Assemblage requis à la plage? Tellement. Ça sera ça. On va pouvoir se faire des vrais châteaux. Oui. Ça va tenir. On va se faire des vrais maillots comme... T'as un bleu et mes maillots? T'en peux, non? Callback. Pour ceux qui aiment se brosser les dents, c'est un bon passe-temps, je trouve, à avoir deux fois par jour et après les repas. C'est un distributeur de pâte à dents. Non. Automatisé. Après le savon. Après le savon. On est rendu là, apparemment. Avec la fameuse annonce où tu ne touches à rien à part le pommeau pour partir... ton eau. Oui. Puis pour l'éteindre, la poignée de porte. La serviette. La poignée de porte. Donc, c'est le Touch and Brush Hands-Free Toothpaste Dispenser. Placez votre tube de pâte à dents à l'intérieur du Touch and Brush. La suction va coller au mur et vous allez pouvoir squeezer chaque dernière goutte. Est-ce qu'on peut dire goutte? C'est probablement un liquide. Là. Chaque bouchée. Chaque petit pois. Ah. Des petits pois. Ah, ouais, moi, je suis plus du genre à faire des lignes, par exemple. Moi aussi. Une grosse ligne, on va dire. Ça commence bien le matin, ça. C'est ça. Mais apparemment, qu'on est supposé mettre un pois, même pas. Oui, moi, je suis du genre petit moton. Ah. Petit moton. Parlant de pâte à dents, encore une fois, si vous n'aimez pas la saveur de la pâte à dents, c'est une pâte à dents sans saveur, sans couleur. et sans rien pantoute. C'est Nihilist Toothpaste. Nihilist, là, c'est un mouvement genre de minimalisme, etc. Disponible, c'est ça, avec aucune saveur. Et puis, c'est de la compagnie Accoutrement. Et la compagnie Accoutrement, si ça vous dit rien, je vais vous rappeler mes gommes au bacon. Oh non! Oh. Dans le temps. Ben, c'est bon, ils ont appris. Ils ont enlevé leur saveur. Ils ont enlevé la saveur. Parce que la gomme au bacon était parfaite si c'était pas de la saveur de bacon. Ouais. Mais je sais pas s'ils sont vraiment nuls d'un saveur. Ils ont peut-être pas réussi à faire une pâte à dents vraiment pas de saveur. Qui goûte pas rien. En tout cas, ils disent qu'elle est blanche. Comment ça serait décevant? T'as une pâte à dents pas de saveur, puis t'arrives, puis il y a un arrière-goût. Oh, de bacon. De bacon. C'est fait dans la même usine, peut-être. Pour ceux qui aiment regarder leur téléphone ou leur iPad, n'importe quoi, alors qu'ils sont couchés sur le dos. Oh, wow. Oui. C'est une paire de lunettes avec des miroirs dedans. Ça coûte 16$ les Lazy Glasses chez ThinkGeek, encore une fois, qui permettent de regarder la télé ou lire pendant que vous êtes sur le dos. C'est pareil comme les lunettes de SkyMall qui coûtaient 50$, les Prism Glasses d'il y a, 6 ans. Mais ici, beaucoup moins cher et sûrement beaucoup plus cheap. J'aurais quand même vraiment le goût de l'essayer. Moi aussi. Ouais, parce que, honnêtement, on fait tout ça, on est sur l'ordi, puis avant d'aller se coucher, on fait comme, bon, mais tu sais, je vais me coucher, mais on arrive dans notre lit, puis qu'est-ce qu'on fait? On sort notre iPhone, notre iPod, notre tablette, et on va terminer notre aventure sur Facebook. Mais tu sais, quand t'es pogné avec un laptop, tu sais, t'es comme, faut que tu le twists. Si mettons, tu veux le faire coucher, ça marche pas du tout. Pis là, faut que tu t'assoies. On va se cotiser. C'est quoi, 15$ par lunette, 16$? On le fait. Puis on va pouvoir animer assis. Couché. Couché sur le dos à terre. Ouais. C'est bien trop sale. ensuite, ça, c'est génial comme invention. Ça, j'en veux un. C'est rare que j'en veux vraiment un, mais c'est comme un MagSafe pour le MacBook. Tu sais, le MagSafe, c'est le fil que tu peux tirer dessus. Il y a un aimant dedans. Même chose, mais pour les écouteurs sur votre téléphone ou lecteur MP3, pour ceux qui ont encore ça. Ah! Donc, c'est vraiment le designer John Patterson qui a inventé ce gadget-là. Il était tanné que son fil ne veuille pas se déconnecter quand il tirait dessus, j'imagine, ou je sais pas pourquoi. Ou quand il s'enfarge dedans. Quand peut-être ça le cassait. Peut-être qu'il a magané ses fils ou magané son téléphone. Donc, ça s'appelle Pogo. C'est séparé en deux parties. Chaque partie a un aimant néodymium qui connecte les deux parties. Bref, à quatre pinouches Pogo. Qui font le pont entre les deux connexions. Donc, c'est un petit gadget vraiment super court. Tu branches tes écouteurs dans la grosse partie cylindrique. Et l'autre côté, tu as un autre embout, un 8e de pouce. Donc, ça reproduit le 1/8e de pouce de ton gadget d'origine. Et entre les deux, il y a quatre petites pinouches aimantées. C'est fantastique. La vidéo montre tout de façon parfaite. J'aime les vidéos de démonstration qui durent genre même pas une minute et demie. T'as tout le concept. T'as pas besoin d'entendre le gars parler. Bon, on a découvert ça parce que le Mac existait. Puis, on s'en fout. Nous, on veut le produit final. Exactement. Droit au but, man. Voilà. Ensuite de ça, tiens, les crayons. Stéphanie, qui est une des seules personnes que je connais qui écrit avec un crayon. Non, c'est une blague. Quoi? C'est une blague. Tout le monde écrit avec des plumes, master. C'est ça. donc, tu sais, un crayon. Ah, j'ai justement devant moi un highlighter, un surligneur qui tient debout. Ça, c'est bien. Oui. Mais un stylo, rarement est-ce que ça tient debout. Non. Rarement. Sauf, à moins de chopper le bout. Puis À banque, là, mais ça prend l'étui. C'est comme la petite chaîne. Ben justement, vous allez pouvoir régler ce problème-là parce que les designers chez 316 Liner, OK? Designer 316 Liner Pen, bref, c'est le nom du crayon, qui élimine ce problème-là avec son propre bouchon qui, lui, a un petit socle. C'est comme pas une ventouse, mais c'est comme ça ressemble à une ventouse visuellement. Mm-hmm. Et le bouchon de ton crayon, c'est inclus dedans. Donc, quand tu enlèves le bouchon, tu mets sur la table. C'est super plate, hein? C'est vraiment plate. Non, mais j'aime vraiment ça. Ah, il y a une suction après, j'avais pas vu. Excuse-moi, je t'interromps, mais il y avait une suction. Mais je trouve ça bien, la suction. Ouais. Parce que moi, je serais du genre à toujours. Je serais toujours du genre à m'accrocher dedans. Tu sais, tu me mets droit, t'es comme, ça prend de la place, t'es là, hey, salut Mathieu, t'es vraiment content. Hey, ça m'arrive à tous les jours. Oui. T'ouvres les bras pour faire un câlin. Mais oui, la complicité est bullshitée. Non, j'aimerais ça, je cherche tout le temps mon crayon, si je pouvais le suctionner à quelque part sur mon bureau, je trouverais ça. Arrêtez de passer ça à la table. Pourquoi? Ça fait du bruit. Tu penses-tu qu'on peut le suctionner à la verticale? Oh, à l'horizontale. Sur le mur? Ouais, ben, je sais pas. Sûrement. Parce que ça serait pratique. Ce qu'il faudrait, c'est un MagSafe pour crayon. Oui. Avec un aimant dedans. C'est ça qu'il faut. N'importe quoi, là. Bon, ça dégénère. Ensuite, une montre qui enregistre toutes vos paroles. Tu sais, quand dans la vie. Seigneur, vous, non. Non. quand tu viens de faire une blague drôle, là, c'est-à-dire une fois par saison, à peu près, pour moi. Donc, si tu veux enregistrer tout ce que tu fais, mais en fait, il y a une petite pointe après ça. C'est Capture, que ça s'appelle avec un K, K-A-P-T-U-R-E, qui est une montre barre oblique enregistreur audio qui enregistre toutes vos paroles. Seulement, on peut avoir 60 secondes de son par en arrière. Donc, l'appareil enregistre tout le temps, mais efface tout le temps les 60 plus vieilles secondes et enregistre un nouveau clip de 60 secondes. On cherche 300 000 $ pour... 300 000? Sur Kickstarter. ouais. Pour 60 secondes du passé. Sérieusement, je peux pas croire qu'en 2013, les petits appareils qui mesurent, tu sais, c'est microscopique. Puis ouais, c'est ça. Exactement. J'ai la même pensée. On devrait animer une émission ensemble. Non, ben trop long. Comment ça va faire? T'as raison. ensuite, génial. Ceux qui manquent de chance, ceux qui, premièrement, qui croient à la chance, tu sais, qui ont la superstition qu'un trèfle à quatre feuilles va vraiment les aider dans la vie, tu sais. Bravo à vous, je vous juge même pas, sauf dans ma tête. c'est le Instalock Authentic Four Leaf Clover in a Bottle. Donc, vous aurez compris que c'est un trèfle à quatre feuilles, 100% original, genuine et vintage, qui a été choisi à la main de l'espèce Trifolium repens, qui pousse aux États-Unis. Méthode en 5 étapes qui empêche le noircissement, ou je sais pas trop quelle affaire qui pourrait lui arriver, pour qu'il garde son vert vraiment brillant. Et on le place dans un petit pot de vitre pour le garder en sécurité. Et apparemment que t'as une chance sur 10 000 de trouver un trèfle à 4 feuilles, donc... Ouais, mais dans une pelouse, il y en a genre 1 milliard. Ils ont pas 4 feuilles, man! Hein? Mais je sais pas, il me semble que le symbole de chance, c'est quand t'en trouves un, si tu l'achètes, je veux dire, ça s'annule. Je pense que t'as raison là-dessus. Bien vu. Sinon, moi, je trouve que c'est pas mal plus chanceux d'avoir une boîte de Lucky Charms. Mm-hmm. T'as toujours des trèfles à quatre feuilles dedans. Ou écouter Daft Punk, Get Lucky. Non! Oh! On peut pas la faire jouer, c'est fou. Non. Dommage. Je la fais jouer chez nous à la place. Ben, t'as le droit. Voilà, vous avez le droit aussi. C'est pour ça que les radios, tu sais. Ah, hein? En tout cas, vous avez le droit d'écouter votre musique quand vous voulez. Mais écoutez-nous. Voilà. Voilà. Ironique un petit peu. Donc, ensuite, sur un téléphone cellulaire, des fois, ce qui manque, c'est des boutons physiques. Tu sais, sur les boutons, les téléphones Android, souvent, il va te manquer des boutons. C'est rendu des boutons numériques, donc des boutons tactiles. T'as pas un vrai feeling d'appuyer sur un bouton. Tu sais? Donc, Pressy, c'est un bouton physique additionnel qui s'insère dans la prise écouteur de votre appareil Android et qui ajoute de la fonctionnalité additionnelle. Hein? Ah. C'est pas génial, ça? Donc, des vrais boutons, tu sais, par exemple, un peu comme le bouton du volume, donc ça a le même feeling. Tu peux vraiment savoir que t'as pesé dessus. Il y a une application qui vient avec, donc tu pourrais le faire appeler ta mère quand tu fais deux coups. Tu pourrais aussi ne pas faire ça. Oui, parce que après ça, tu te traînes dans tes poches, puis c'est sûr que ça fait... C'est ça. T'appelles tout le temps ta mère. Ou à chaque fois que tu veux parler à ta mère, t'es en train de donner deux coups sur la tête, ça marche pas. donc, évidemment, c'est ouvert aux développeurs, donc le bouton pourrait être utilisé pour n'importe quoi. Tu pourrais faire du code morse, genre deux petits coups, un petit coup, prendre une photo, n'importe quoi. C'est sur Kickstarter, ils ont excédé leur goal, leur but, de 10 fois. Wow! Et vous pouvez miser ou donner 17 $ pour avoir le vôtre en mars 2014. Donc, c'est bien à moi, les boutons. Ouais. Oui. Oui. ensuite de ça, c'est moyen. Là, c'est en partie un beanbag comme on avait dans le temps dans nos chambres. Là, les petits sacs, les gros poufs, genre en petit poids. Là, genre. En baie. Pas confortable. En baie, exactement. Mélangé avec un hamac. Donc, c'est un beanbag dans les airs. Bon, ça s'appelle le Beanock pour 315 $ américains. Bing bang quand je suis dans les airs. Frappe dans ta main, dans tes mains, pas sur le voisin. Le clavier d'ordinateur est très, très connu depuis des décennies et c'est évidemment pas la chose la plus utile, pas utile, mais ergonomique, mettons, et facile à utiliser parce que c'est gros, dur à transporter. Donc, une nouvelle invention qui s'appelle True Grip qui veut résoudre ce problème-là d'ergonomie au bureau en installant un clavier à l'arrière d'une souris. True Grip, qui est donc un clavier Bluetooth et une souris qu'on appelle Air Mouse, tu sais, qu'on peut contrôler dans les airs avec le gyroscope. Ah, OK. C'est ça. Donc, tu bouges de gauche à droite et tu revires la souris à l'envers et tu as un clavier ergonomique. C'est Mark Parker qui l'a inventé, qui a séparé l'arrangement d'un clavier en deux moitiés et qui a ensuite arrangé ça à l'horizontale à l'arrière de la souris. Je trouve ça fantastique. Bonne idée. Oui, c'est beau. C'est beau. J'aime le design, oui. Ben, ça me rappelle, dans le temps de ma Boxybox, j'avais une manette, c'est une boîte multimédia pour la télé. Tu pouvais contrôler play, stop, etc. Et à l'arrière, il y avait un petit clavier minuscule. C'est comme ça, mais fois 100, genre, mm-hmm. Cette affaire-là. Donc, je trouve ça vraiment bien. 5,3 pouces de large. Et il y a un record qui a été établi par Robert Price. Ils ont fait un concours avec cette souris-là, clavier. Et il a réussi à taper 115 mots par minute. Wow! Ouais, quand même! C'est fort, hein? C'est sur Kickstarter en ce moment. Vous devez mettre 250 $ pour espérer que ça se rende. Ensuite, un spray de caféine qui vous donne de l'énergie directement sur votre peau. Tu sais, de la caféine, c'est bien beau, mais il faut que ça passe par les veines. C'est bien long avant de faire effet. T'sais, alors qu'un spray, ça va directement dans votre peau par les pores de votre peau. Bref, on se comprend. Absorbé. Et puis, sinon, ça entre dans votre système graduellement. pour pas avoir un boost d'énergie et ensuite un crash qui viendrait plus tard. Ils sont sur Indiegogo où on demande $15 américains pour avoir un contenant qui devrait durer 2 à 3 semaines à utilisation normale. Je sais pas, ça veut dire une fois par jour. Je suis absorbé par la vidéo. Je comprends pas ce qu'ils veulent dire. La fille, elle va au bureau, elle boit du café, du Red Bull. Mais je comprends pas. Je comprends pas, c'est parce qu'ils ont pas mis en noir et blanc des X dessus. Oui, c'est ça. Tannée d'être... Elle a une baboune, puis elle est pas maquillée. Là. Parce qu'elle vient de prendre un Red Bull, puis ça marche pas. Et là, elle est en noir et blanc. Oh! Ah, là, ils vont parler pendant 15 minutes. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas ça. Ouais, t'as bien raison. Je regarde pas ces petites vidéos-là. Ensuite, ça, c'est le fun. Pour ceux qui prennent l'autobus et qui, tu sais, qui ont la phobie. Oui. La phobie des germes. Tu sais, quand tu te tiens après le bâton, c'est rempli de microbes, tout le monde est passé là-dessus, ils sont mouchés le nez à même leurs mains. C'est gratté l'arrêt de fesse. L'arrêt de fesse, l'arrêt de l'arrêt, comme on dit. Oui. Ne pas utiliser ces rails-là, si vous êtes paranoïaque, ben, vous allez pouvoir le faire malgré tout avec ce nouveau gadget qui s'appelle le Rail Reach. Qui est une poignée en plastique pliable qui s'attache au rail, donc à la barre qui est en haut. Et puis, ça vous aide aussi à vous donner une extension pour les gens qui ne sont pas assez grands pour rejoindre la barre, parce que ça se déplie et ça mesure quelques pouces quand même. Ça a l'air d'un bon, je dirais, 12 pouces. Là. On dirait un bon Subway. Hein. Je le verrais avec un sous-marin dans l'autre main. Ouais. C'est par Justin Choi. Et puis, il est encore sur Kickstarter. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas de nos jours? $15 américains. Mais j'aime ça. Pour vrai, moi, j'achèterais. Mais je trouve ça brillant. Sauf que, ben, admettons, dans le métro, tu peux pas, c'est pas au plafond, c'est vraiment juste comme des poteaux dans le milieu. Fait que, faudrait que tu t'accroches comme à l'horizontale, ça comme serait si... peut-être bizarre. Faudrait un aimant. Ouais, vas-y. Comme si tu faisais du ski nautique. Ouais. Puis tu te prends, puis tu te laisses. Dans le métro. Ouais. Tu te laisses tomber un petit peu par en arrière. Tu peux faire des petites pauses vraiment rockstar avec ça. Ouais. L'été va se terminer, mais pour ceux qui ont encore le temps de se baigner, ceux qui ont une piscine chauffante, faut croire. C'est des drink preservers, c'est comme des petits, comment t'appelles ça, des choses des de lifeguard, de sauvetage. Des bouées de sauvetage pour votre verre. Oh. Je trouve ça assez mignon. C'est très mignon. Mais c'est pas du bar d'astro, hein? Non, c'est pas le moment de faire une bonne bombe. Ça coûte $12.54 sur Amazon. Pas super. Il y a comme, on dirait, ils ont toutes mis des photos Instagram de ce que tu pourrais faire. C'est beau. Mais j'avoue que tu pourrais t'en servir ailleurs que dans la piscine. Ça pourrait être, tu pourrais t'en servir dans le spa, dans le bain. Dans le spa, oublie ça, ça va être plein d'eau. Ouais. Avec les bulles, hein? Ben, mais ouais. Dans le bain, tu sais, boire l'alcool dans le bain. Hein? Ouais, en tout cas. Hein, Steph? Ben, dans le bain, le rebord est assez proche pour mettre ton verre. C'est ce qui m'amène à parler de la douche maintenant, parce que vous savez, on prend notre douche trop longtemps, les enfants. Beaucoup trop longtemps. Oui. D'habitude, on dit que pour économiser de l'eau, on dit que la durée moyenne devrait être de 7 minutes d'une douche. Ouf. C'est pas beaucoup, 7 minutes pour tout faire, ce qu'on a à faire là-dedans. Donc, ça... On n'ira pas plus loin que ça. Non. Les inventeurs de ce qu'on appelle le UGI, UGI ont donc réglé le problème. C'est une pomme de douche avec un système d'éclairage intégré. La lumière passe de vert à verte, oui, à rouge en dedans de 7 minutes exactement. Donc, vous allez savoir quand ça commence à être rouge, un peu comme le petit bonhomme sur le bord de la rue qui dit d'arrêter de marcher, mais c'est comme 20 secondes avant la fin. Puis, ça fait comme 5 secondes que t'es sur le petit bonhomme. Je peux-tu passer, tu sais? Mais tout comme le petit bonhomme pour traverser, les gens l'écoutent pas, ils font pareil. Fait que moi, je serais pas du genre à faire comme de la lumière rouge. Ben, en autant que s'ils pouvaient faire arrêter la douche, ou la refroidir un petit peu. Mais ça, c'est chiant. Hein? Ouais. Ben non, c'est ça. Là, c'est juste désagréable, mais je pense que ça peut ça juste. Conscientise. C'est ça, ça peut juste nous faire prendre conscience que ça fait peut-être longtemps, puis que c'est peut-être le temps de juste comme faire en dessous de l'eau, puis. C'est le fun de l'eau chaude dans la douche pendant beaucoup trop longtemps. Hein? Oui, moi j'aime bien ça. Puis, mais c'est dans le but d'économiser de l'eau, j'imagine faire. Ça fait économiser 12% en moyenne aux gens. Sauf que j'aime bien dans la vidéo qu'on nous présente, c'est qu'ils ont mal vissé le pommeau de douche. Puis il y a une perte au niveau ici. Ah non! Donc, il y a comme le joint est mal fait, donc il y a plein d'eau qui est perdue. C'est pas des plombiers, c'est des ingénieurs qui ont inventé ça. Fait que, on les a entendus hier, on sait ce que ça a l'air. Je suis ni un ni l'autre, puis je suis capable de poser une pomme de douche. Ah, moi, hein? Une chance que j'ai des beaux parents. On sait tous que l'été il fait chaud et on a besoin d'un ventilateur dans le lit. Et souvent, on va rencontrer le gadget sur Internet qui est une fan qui passe en dessous de vos couvertes. Ouais. On a déjà vu ça une fois de temps en temps. Mais ici, c'est qu'elle est contrôlée à distance. C'est la Bed Fan with Wireless Remote qui fait passer de l'air entre les couvertures, soit au pied du lit pour deux dormeurs ou encore sur le côté si vous êtes une seule personne à avoir chaud. Et la télécommande est sur votre table de nuit. C'est vraiment le fun. Moi, j'aime pas ça. Je déteste avoir un ventilateur sur moi quand je dors. Oui, c'est ça. J'ai pas dit moi je dors tout nu, c'est pas cool ça. Une petite brise sur le zwicky. Oui, sur le zwicky. Et quand t'entends juste toute la nuit. Flocop. C'est vraiment une grosse fan. OK, oui. Prochain gadget. Vous voulez porter des vidéos sur votre corps. Pourquoi ne pas porter des boucles d'oreilles avec des écrans de 2,2 pouces? C'est l'équipe de MJ McLaren avec leur vidéo Earrings, accessoire aux technologies qui incorpore un écran de 2,2 pouces qui peut streamer des médias et afficher des slideshows photos. Donc, les écouteurs qui peuvent être chargés, donc chargés électriquement et chargés de fichiers via USB. Je trouve ça génial. C'est fantastique. Sur Indiegogo, en ce moment, qu'on ramasse des fonds pour ça. Et puis, c'est ça, on peut montrer des photos professionnellement développées, des vidéoclips, des publicités. Si tu voulais te faire commanditer par des sportifs, pourrais apporter ça. Faire afficher des pubs animés. Ouais. Ou pas. Mais tu peux pas regarder tes séries sur tes boucles d'oreilles. Tu te vois pas, là. C'est toi qui es pas. Mais les autres vont les voir. Mais avec la paire de lunettes qu'on a vues plus haut. Tout se rattache. Oui. 50$ sur Indiegogo. Moi, je pensais que ça aurait été plus cher que ça. Moi aussi, mais c'est seulement 2 gigs de place. Ben, quand même. C'est pas si pire. Ah, génial! On va falloir qu'on termine bientôt cette chronique-là, mais celui-là est trop cool pour le sauter. Là, c'est un truc pour faire des gâteaux. On sait que Stéphanie est une grande cuisinière. Ouais. T'es un poêle. T'es une cuisinière. Je me brûle beaucoup, mais ça reste que c'est bon pareil. Ben, t'aimerais ça pouvoir goûter à ton petit gâteau avant de l'ouvrir, de le défaire en pointe. Ah, ben oui! Parce que toi, tu veux le donner à quelqu'un ou le faire manger comme dessert, mais tu l'auras pas mangé. Tu peux pas aller dans le milieu du gâteau pour prendre une bouchée dans le milieu puis le refermer. C'est tout d'un coup que c'est vraiment dégueulasse. Oui, t'aurais honte de toi à la fin. Donc, le Nibble Cake Pan... C'est un truc de steel. C'est de l'acier, c'est ça? Emballé de silicone, voilà, qui vous permet de faire un petit gâteau miniature à côté de votre gros gâteau. Donc, c'est vraiment un rack. Comme s'il y avait un truc pour l'attacher après un crochet, mais à la place, c'est un trou qu'il y a là. Et le trou te permet de faire un mini muffin, pareil comme ton gâteau. Mais... Ben, le temps de cuisson n'est pas le même. Exactement. C'est ça. Mais j'imagine que... Le cuisinier averti, ça marche pas. Mettons, tu fais... je sais pas combien de temps ça prend à faire un gâteau, mettons. Ça dépend du gâteau. Admettons que ça prend 20 minutes. Là. OK. Fait que peut-être que tu peux juste l'insérer dans le four pendant, quoi, 3-4 minutes, le temps que ton petit gâteau soit prêt. Tu peux le manger, puis après ça, le remettre dedans, ça marche pas. Non, mais non, mais là, tu peux pas faire écraser ton gâteau. Tu peux pas sortir un gâteau comme ça du four, hein? Mais voyons, mais comment ça marche de bord? Ben, t'achètes le four Ricardo à 2 auvents. Tu sais, il y a 2 portes, là, puis tu peux faire 2 choses en même temps. Oh! Mais ben là, c'est décevant. Je pensais que c'était cool, là. Ça mesure 8 pouces de diagonale, comment t'appelles ça, dans un cercle? Diamètre, voilà. Mais dans mes affaires, et c'est ça, 2 pouces de profondeur. Et Mathieu, il a l'air tellement déçu. Ouais, mais c'est cool. Peut-être que le petit bout, là, il y a un matériau spécial qui fait que ça cuit pas à même vitesse. Il y a du silicone dans le truc, peut-être que le silicone mais l'empêche. Mais dans le gros, il y en a pas? Non. Ah, peut-être. Le petit côté est couvert de silicone, mais pas le gros côté. Ça a-tu du sens, ça? Parce que moi, je comprends rien, c'est de la cuisine. C'est comme la mécanique. Je pense pas. OK. Ça coûte 22$. J'imagine que s'ils fabriquent et qu'ils vendent, il y a une petite vidéo sur la page là, qui est en lien sur l'article. Tu veux-tu t'en nommes des affaires qui fabriquent, qui vendent puis que ça vaut pas de la merde? T'as droit à 3 chances. Je me fierais pas à ça, là. Il y a du popcorn avec caféine, du biofuel caféinated popcorn. Je vous ai mis le lien sur assemblagerequis.com. Et tant qu'à parler de bouffe, des cubes de chocolat chaud et de café instantané. C'est donc des petits blocs un peu comme des cubes de sucre qu'on lance dans de l'eau chaude, dans une bouteille, à floc, comme dans ton lit. À floc. Tu brûles au troisième degré parce que ça a fait une bombe. Ça s'appelle les Jiva Cubes. Oui, j'ai. Un café, j'y vais. J'essaie de faire un jeu de mots avec j'y vais. Est-ce que tu veux un café? J'y vais! Je vais noter. Ah oui, note ça, s'il te plaît. Donc, c'est ça, c'est, tu peux avoir du café fort décaféiné, caramel, vanille française, noisette, mocha ou même chocolat chaud en cube. Et c'est du café gourmet, nous dit-on, 100% colombien. Unrefined, cane sugar. Donc, du sucre intégré. Sugar. Donc, voilà, je pense que le reste, on va garder ça pour une autre fois. C'est tout pour ça, Smith, ça devrait répondre là. Donc, on s'achète quoi, là? Moi, je veux le crayon qui tient debout. Oh, okay. Merde. Mais t'as le droit aussi, là. Non, j'aime pas ça. Moi, j'achète clairement les lunettes à miroir. Oui, cool. Moi, je veux le pogo pour les écouteurs qui se défait comme le Maxi. J'ai droit à 2 achats? Ben oui. Moi, je veux les boucles d'oreilles. Je vais me faire percer. Ah, je pensais les accrocher, genre, après quelque chose, mais comme un mobile dans un arbre de Noël, tu préfères aller tes... Tu pourrais t'y mettre... Pas pire, hein? Pas pire. Ben oui, tu pourrais faire jouer de la musique de Noël dans ton sapin avec les vidéos avec Michel Louvain qui chante. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le Dîner de cons un certain midi cette semaine. On apprend que grâce au rayon laser, il serait possible de déterminer le temps qu'il nous reste à vivre. Moi, je sais pas si je veux le savoir, ça. Hein? L'avancée est magistrale, ça c'est sûr. Les scientifiques britanniques de l'Université de Lancaster ont réalisé une invention permettant de déterminer avec précision le temps qu'il nous reste à vivre. Baptisé « Death Test », hein, bien sûr, « Test de la mort », ce dispositif en forme de bracelet utilise des rayons laser pour analyser des cellules cruciales alignant des vaisseaux sanguins sous la peau. On pourrait se croire comme plongé dans une œuvre de science-fiction et pourtant les progrès médicaux et technologiques nous permettent à présent de rattraper la fiction. Créée pour encourager les patients à rester en bonne santé, cette invention soulève tout de même quelques questions. Oui, parce que tu veux pas savoir que dans 2 ans, tu vas pogner un cancer, tu vas mourir. Tu veux pas le savoir tout de suite, en tout cas. Moi, en tout cas, non. Le fonctionnement de cet engin est particulièrement sophistiqué et détaillé par le Daily Mail. Des cellules étudiées, nommées endothélium, la couche la plus interne des vaisseaux sanguins en contact avec le sang, sont un indicateur clé de la santé d'un individu. Les inventeurs de ce dispositif estiment qu'en les contrôlant, ils peuvent identifier ceux qui vieillissent plus vite que la normale. Une fois le test peaufiné, ceux-ci déclarent qu'il devrait également être possible de dire à une personne combien d'années il lui reste à vivre. De même, l'analyse de l'endothélium pourrait aussi informer le patient s'il est atteint d'un cancer. Toutefois, si les instigateurs de cette innovation espèrent que cette dernière permettra aux individus d'altérer leur mode de vie pour être dans des conditions physiques optimales et meilleures, bien sûr, il est possible que d'autres optent pour une posture plus fataliste, une attitude pouvant s'avérer quelque peu dangereuse. C'est clair, si on te dit que d'ici 5 ans, tu vas mourir, peut-être que tu ne feras plus rien d'attention, de rien, puis ça ne te tentera pas. Puis, me semble que c'est assez... C'est controversé, hein? Pour le moment, seul un prototype plutôt massif a été testé, mais les inventeurs estiment qu'un bracelet de dimension plus modeste pourrait être lancé sur le marché d'ici moins d'un an. D'ici peu de temps, eh bien, c'est un dispositif qui coûterait entre 200 et 300 livres sterling, sera disponible pour n'importe quel usage domestique. J'espère que nous développons quelque chose qui va pouvoir aider à encourager les gens à prendre soin de leur santé. Moi, ça me fait peur. J'aime pas ça, des nouvelles de même. Écoutant, finalement... peu chers, ces appareils sont pas seulement pressentis donc pour être utilisés par des particuliers, mais également par des cabinets médicaux et les hôpitaux afin de comparer l'âge biologique d'un individu avec son âge chronologique et établir un rapport quant à son rythme de vieillissement. De même, une extension de son utilisation est prévisible auprès des compagnies d'assurance, hein, des pensions de retraite, qui pourraient aussi utiliser ces informations pour indexer les primes et les versements, signale le Daily Mail, ce qui est très dangereux ça aussi. Hein. Ils vont dire « Ah non, toi tu meurs dans 5 ans, on te couvre pas ». Mais l'utilisation de ce dispositif reste encore un sujet mineur par rapport à l'avancée majeure qu'il représente. Responsable du projet, le professeur Peter McClintock résume ainsi tout ce qui a trait au système cardiovasculaire que l'on couvre. Une attaque ou une crise cardiaque commence par un signalement d'une anormalité dans l'endothélium. L'étendue des accidents prévisibles et évitables grâce à ce DAPTEF est donc considérable. Oui, hein? On va aller vers de quoi de plus léger et plus totalement inutile. On va aller parler de la maison aux 6000 poupées. Ben oui, ça se passe à Singapour, du salon au dressing en passant par le bureau de la maison de Jian Yang, un Singapourien de 33 ans. C'est un véritable musée de la poupée avec plus de 6000 Barbie et ainsi que 3000 autres figurines exposées dans des vitrines et sur des étagères. Il y en a plus que dans un magasin, ça c'est sûr. Ce directeur de la stratégie pour un groupe publicitaire a acheté sa première poupée Barbie à l'âge de 13 ans avec son premier argent de poche. Lui trippait sur les Barbie. OK. Sa passion pour les poupées est ensuite devenue une folle obsession. Il a consacré au moins 500 000 $ singapouriens, ce qui équivaut à 300 000 euros, à sa collection au cours des 20 dernières années. Je le cite, je voyage pour mon travail, je voyage pour le plaisir. Donc, je trouve des poupées partout, a-t-il déclaré celui qui se décrit comme un accro aux jouets. Il est ainsi revenu de sa dernière escapade à New York avec 65 poupées dans ses bagages et n'a aucune intention de ralentir la cadence. Même si sa marotte commence à devenir envahissante, un petit peu. Hein. J'ai encore un mur vide, dit-il en riant, ajoutant qu'il achètera la maison d'à côté lorsqu'il se retrouvera un peu trop à l'étroit. John Callahan, bon, c'est ça. Donc, allez voir. Tellement inutile, mais bon, tellement d'argent et de temps à perdre. Hein? Autant une nouvelle est intelligente et fait peur, l'autre a fait dire « ouf que les humains font pitié ». Ici, ça va faire jaser. Une compagnie aérienne qui instaure une zone interdite aux enfants. Donc, agacée par les enfants qui s'agitent durant tout le vol, eh bien, la compagnie aérienne Scott Airline a la solution, baptisée le Scott in Silence. Le nouveau service de cette compagnie low cost, propose à ceux qui le désirent de voyager dans une zone de silence dont disposent ces appareils. Celle-ci correspond aux 5 premières rangées de l'avion et est interdite au moins de 12 ans. Vous souhaitez voyager en paix et dans le silence, c'est désormais possible grâce à cette cabine Scott in Silence. Vous pourrez alors jouer des avantages de cette cabine qui est interdite aux enfants de moins de 12 ans. Il suffit aux futurs passagers de préciser au moment de l'achat des billets dans laquelle zone de l'avion ils souhaitent voyager et que nos jeunes clients ne le prennent pas mal. Le reste de l'avion est à leur disposition. C'est une compagnie australienne. Il en coûtera 10 euros à celui ou celle qui souhaite prendre l'avion sans être perturbé par les enfants des autres. Ça, je trouve que ça vaut la peine. Hein? C'est pas très cher. Là. C'est pas comme un billet de première classe qui coûte vraiment genre le double. Scott in Silence n'est toutefois pas une des premières. Malaysia Airlines avait déjà interdit l'accès au pont supérieur de ses A380 et à la zone de première classe de ses Boeing 747 aux enfants de moins de 12 ans. Idem chez Air Asia. Et Air Asia X, qui avait interdit les 7 premières rangées de ses appareils aux enfants de moins de 12 ans. De quoi attendre son 13e anniversaire avec une certaine impatience. Mais je pense qu'à 13, entre 13 et 16, là, tu peux être aussi dérangeant puis bruyant. Mais bon, ça, c'est ma vision des choses. Et puis sinon, on s'en va s'en faire une petite nouvelle ici qui m'a fait sursauter. Le titre est quand même assez bizarre. On va voir qu'est-ce qui est cette rumeur. C'est un blogueur qui révèle... Un blogueur révèle la sortie d'un nouvel album live des Beatles pour l'automne. Donc, un nouvel album live des Beatles devrait sortir à l'automne et l'information n'est pas annoncée par la maison de disques ou personne autour du Fab Four, mais dénichée sur Internet par un blogueur. Donc, ça peut être n'importe quoi. Mais on vous en parle pareil. Il s'appelle Roger Stormo, qui est fan du groupe et vit en Norvège. Et les Beatles blogger sous le nom de Woke Blog et a d'abord posté un billet le 21 août révélant, en se fondant sur une liste de diffusion interne à Universal, qu'un deuxième volume du live à la BBC des Beatles sortirait à l'automne. Puis le 26 août, dans un autre post, il a précisé que l'album serait intitulé On Air Live at the BBC Volume 2 et sortira en novembre et a posté la pochette probable du disque. Quand même! Des informations qu'il a trouvées sur la page Facebook de MCA Music, la subdivision philippine d'Universal qui a racheté EMI, la maison de disques, bien sûr, historique des Beatles en 2011. Comme l'explique The Guardian, la nouvelle n'a pas été confirmée par une source officielle pour l'instant, mais parmi les indices qui tendent à accréditer cette sortie, on a la publication en octobre d'un livre de Beatles, The Archive 62-70 de Kevin Howlett, qui contiendra le compte-rendu détaillé des sessions des Beatles sur la BBC, ainsi que le fait de cette dernière qui n'a commencé à archiver systématiquement ses programmes qu'à la fin des années 70 et a lancé l'an dernier une campagne pour récupérer de vieux enregistrements auprès de ses auditeurs. S'il y avait des auditeurs qui avaient déjà tapé des trucs et ils voulaient les avoir. C'est ce probable événement est important pour les fans des Beatles, c'est parce que le premier volume de ce live à la BBC remonte déjà à 1994 et était constitué de 69 morceaux, répartis sur deux disques enregistrés entre janvier 63 et mai 65. Et comme l'écrivait à l'époque le Entertainment Weekly, ça vous donnait l'impression, avec son enregistrement en studio sans public, d'être assis dans une pièce avec les Beatles en train de simplement jouer ensemble. Ce qui est assez magnifique hein, pour les fans des Beatles. Moi, je suis un fan des Beatles, mais j'en connais des pas mal plus fans que moi. Là, t'sais. L'album avait atteint la première place dans les charts au Royaume-Uni et la troisième aux États-Unis, comme l'explique le Guardian. Cette sortie avait alors probablement planté le décor pour l'anthologie en trois volumes des Fab Four publiés en 95 et 96, qui avait marqué un pic dans le revival Beatlemaniac. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. C'est un fait. s'en est passé des choses sur la planète depuis les dernières semaines, depuis qu'on était en congé de fin d'été à Assemblage requis. Là, ben, deuxième collègue, c'est un fait de la semaine. Commençons avec quelques petits faits divers comme ça. Une étude qui a comparé les habiletés des hommes et des femmes dans 46 domaines a trouvé une très, très grosse différence dans seulement deux domaines. La vitesse du lancer d'une balle, d'un objet. La distance et la vitesse, voilà, d'un lancer. C'est les deux seuls domaines où il y avait une grande différence entre les hommes et les femmes. La première démonstration de parachute a été conduite avec un chien en tant que passager. Tu sais, comme dans l'espace avec des singes, c'est ça sur des animaux, hein? Les gens aiment ça. Le papier utilisé pour faire de l'argent est composé de... Ah, attends un peu. Colin. Linen. C'est quoi ça en français? Du linen. Me vois-je en train de chercher comme ça, seul. Attends un peu. Linen. On va le trouver. Pas trop. Pas de problème avec ça. Il n'y en a pas de problème. On dit... je le trouve pas non plus. Linge de maison. OK, c'est ça. Linge de lit. Linge. Ouais, ça devait être fait à partir de linge. OK, parfait. Et de certains types de coton, dont du denim, du jean. Le premier athlète à avoir déclaré « Je m'en vais à Disney World ». Tu sais, on entend souvent cette phrase-là après une victoire au Super Bowl. Donc, c'était après, justement, une performance au Super Bowl. C'était Phil Simms en 1987. Avant qu'on sorte les balles de baseball avec ce qu'on appelle Concealed Lace en 1927, c'est du basketball, pas du baseball ici, les ballons de basket rebondissaient partout et c'était complètement imprévisible avant qu'on invente cette technologie-là de la façon de lasser le ballon de football. La première vague, c'est la vague dans un match de sport, là, c'était le 31 octobre 1981, une partie de football Stanford contre Washington. Le signe de dollar est une combinaison entre la lettre P et la lettre S. PS étant l'abréviation pour pesos, la pièce qui était en circulation, la pièce principale en circulation aux États-Unis jusqu'en 1794. Moi, tu vois, c'est bizarre parce que mon professeur de je me rappelle plus trop quoi, il me semble que c'était histoire qui me disait que le dollar américain, vous savez, le dollar dans d'autres pays comme le Canada, c'est un S avec une ligne verticale dessus, alors qu'aux États-Unis, c'est deux lignes sur le S et on le met à l'avant du prix au lieu de l'arrière. Et mon professeur d'histoire me disait que c'était une combinaison des lettres U et S comme United States. C'est comme le U pour les deux lignes, tu chopes là-bas. Mais bon, qui croire, hein? C'est un fait qui est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet ou mon professeur d'histoire qui a étudié en histoire. On verra, tu sais. Les deux peut-être. La carte American Express d'origine, l'original, Original Flavor, OG Style, était mauve. Ouais, mauve. Et ça a pris 11 ans avant que la carte verte la remplace en 1969. Un des plus gros achats, justement, parlant de carte de crédit, qui a été chargé sur une carte American Express, était une peinture de 2,5 millions de dollars par Roy Lichtenstein. Bon achat, t'as aucun regret après. Les 5 anneaux olympiques, vous savez, dans le logo des Olympiques, il y a 5 anneaux de différentes couleurs, là, noir, bleu, rouge, blanc et jaune. On dit que c'est parce qu'au moins une de ces couleurs-là apparaît sur chaque drapeau de chaque pays dans le monde. Bon, tu sais. Et là, un commentaire juste en dessous. C'est pour ça que je vous dis selon Internet. Hein. Juste en dessous, le premier commentaire, c'est « Il n'y a pas de blanc, et verte l'autre anneau. » Fait que tu sais, qui croire? Encore. Le processus pour mettre en canne des sortes de poissons, c'était développé à Sardinia. Hein? Et c'est pour ça que les poissons en canne, qu'on appelle les harengs, je crois aussi, c'est devenu, ça a été nommé finalement les sardines, parce que sardines, l'endroit sardine. On se comprend. Ce qu'on appelle les Kool-Aid Pickles sont très populaires dans le Mississippi. On fabrique ça en trempant des cornichons dans du Kool-Aid concentré. Ça fait des Kool-Aid Pickles. Pas tout à fait convaincu. Les Misérables de Victor Hugo a une des plus longues phrases dans la littérature française à 823 mots. La misère à lire une ligne en 140 caractères sans prendre mon souffle. Hein? Imagine. La hauteur moyenne, la grandeur de joueur de basketball de la NBA est de 6 pieds 7 pouces. Mm-hmm. Joseph Oliambo a le record pour le dribblage de basketball, 26 heures 40 minutes. T'imagines? J'ai passé le journal à l'intérieur et à l'extérieur de l'université. On s'entend que c'est vraiment pas compliqué, hein? Avec un petit chariot qui se conduit mal, mais quand même. Et j'ai les bras morts depuis deux jours. Donc 26 heures 40 minutes pour le record du dribblage. Au début du baseball, je pense qu'on est dans un bloc sportif, d'après moi. Dans les débuts du baseball, les joueurs n'utilisaient pas de gants et on attrapait les balles avec ses deux mains. Fascinant. Chicago, c'est l'endroit où il y a le seul bureau de poste avec service à l'auto. Ben, en tout cas, drive-thru. C'est peut-être pas service à l'auto aux gens qui viennent te porter quelque chose à l'auto, mais t'as une petite fenêtre où tu peux te faire répondre. J est la seule lettre qui n'apparaît pas dans le tableau des éléments. Jaws est le premier film qui a ramassé 100 millions de dollars. Les dents de la mer. Pardon. Plus de 1,5 million d'Américains sont allergiques aux arachides. C'est beaucoup, beaucoup de gens. 60% des anciens joueurs de la NBA, je pense qu'on est revenu au sport. Hein. C'est bizarre ça. C'est tout mêlé. 60% des joueurs de la NBA et 70% des joueurs, des athlètes de la NFL font faillite quelques années après leur retraite. Tu sais, budget, hein, budget. Le mot planète vient du grec, qui veut dire genre, pas vagabond, mais comment t'appelles ça quelqu'un qui est nomade? Mettons nomade, wanderer en anglais, parce que les planètes bougent et les étoiles restent à la même place. Donc planète du grec pour vagabonde ou nomade. Voilà pour C'est un fait. C'est le fun, t'es court, t'es quoi 6 minutes, c'est genre la tiers de ce que je fais là-dessus. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Mais hier, je vous parlais des trucs là, des rois, des reines. Une émission à regarder à Historia qui s'appelle La vie secrète de, puis qui nous présente des personnages de l'histoire et qui sont des fois un peu méconnus ou en tout cas pas connus de cette façon. Et on parle souvent de produits de beauté des années de la Renaissance là et du Moyen Âge là. Et puis c'est assez dégueulasse. Mais savez-vous qu'aujourd'hui même encore en 2013, ben on a des produits de beauté assez insolites et assez crades. Disons. Donc, on va se faire un petit top à l'instant des produits de beauté les plus insolites et surtout les plus crades, qu'on pourrait dire. On va commencer au dixième, à la dixième position. Premièrement, en dixième position, ce produit de beauté serait les œufs durs trempés dans de l'urine de jeunes garçons. Vous avez bien entendu, des œufs durs trempés dans de l'urine de jeunes garçons à Dongyang, une ville de Zhejiang. Eh bien, certains commerçants de rue proposent un produit traditionnel assez particulier. Dans des grandes bassines, des œufs durs cuisent jusqu'à morcellement de la coquille dans du pipi collecté dans des écoles aux alentours. Les petits garçons de moins de 10 ans sont donc tous priés, sauf lorsqu'ils sont malades, de se détendre dans des bassines de collecte. Selon la médecine traditionnelle chinoise, ce délicieux mets permet de diminuer la chaleur corporelle et ainsi aide le sang à circuler pour une bonne mine et une santé de fer. Vous avez bien compris. Eh oui. En neuvième position, des produits de beauté assez crades et insolites, c'est la bave d'escargot, hein, qui leur permet de réduire les frottements lorsqu'ils se déplacent, mais aussi de régénérer leur coquille lorsqu'elle est abîmée ou plus assez grande pour eux. En fait, la bave de l'escargot commun, le Helix aspersa, possède des propriétés cicatrisantes, antibactériennes et antioxydantes. Elle permet aussi de réduire l'acné et les vergetures. Il existe donc des fermes qui récoltent cette bave pour des crèmes et des soins coûteux. Ben moi, celle-là, je trouve que c'est bien. C'est très, très bien. Et puis, on le voit. Il dit, la bave contient des trucs cicatrisants, antibactériens et antioxydants. Donc, je pense que le produit est tout désigné. En huitième position, eh bien, nul autre que le sperme de taureau. Pour rendre vos cheveux lisses et brillants, eh bien, certains salons de coiffure du Royaume-Uni propose de masser votre cuir chevelu avec du sperme de taureau. Cette substance hyper protéinée étant censée former une couche protectrice autour du cheveu et le garder en bonne santé et ainsi l'empêcher de mourir, de ternir ou de tomber. Ça me fait toujours rire, hein, pour des cheveux en bonne santé. Un cheveu est mort. Il n'y a pas de vie à l'intérieur d'un cheveu. Peut-être à la base, à la racine, oui, il y a de la vie. Mais le cheveu, en tant que tel, ça se nourrit pas un cheveu, c'est mort. En septième position, eh bien, le venin de serpent. Les neurotoxines produites par certains cobras, serpents sonnettes et vipères ont pour effet de bloquer les influx nerveux et les muscles, donc de paralyser. Les neurotoxines produites par les membres de la famille des cobras et quelques vipères autres de la loi sur les proies en bloquant les... OK, oui. La loi sur les proies en bloquant les influx nerveux vers les muscles qui provoque la paralysie, des effets similaires à ceux du Botox, hein? Ben oui, le merveilleux Botox. Ça fait tellement des gens beaux, hein? Ils ont juste l'air plus eux autres, puis gonflés, mais bon, ils se ressemblent juste plus, puis ils sont vraiment beaux. Hein. Donc, les industriels de la beauté ont eu l'idée d'appliquer sur le visage comme crème. Cette administration du produit serait moins dangereuse et moins invasive, donc moins de chances de crever des symptômes d'une morsure de cobra ou de finir avec la moitié d'une tronche paralysée. Les serpents ont, quant à eux, gagné le droit d'aider l'homme à paraître plus beau. En se faisant traire les crochets toute la journée dans des fermes du Brésil, alors qu'une version synthétique a déjà été créée. Bravo! Sinon, un sixième produit, eh bien, c'est le collagène. Le collagène, pardon, il est injecté par des piqûres pour effacer les rides du lion. Donc, entre autres dans les yeux, OK, les rides du sourire, les pattes d'oie au coin des yeux, mais aussi on peut s'en mettre un petit coup dans les lèvres pour les avoir aussi jolies que Mélanie Griffith. On peut aussi prélever le collagène sur que sur les vaches. On ne peut que prélever le collagène sur les vaches et les humains. Le problème, c'est qu'environ 3 personnes sur 10 sont allergiques au collagène d'origine bovine. Les fabricants de soins au collagène se sont donc tournés vers d'autres sources de prélèvement comme les fœtus avortés, les placentas, les cadavres, ou pire, en Chine, certains vont même jusqu'à prélever de la substance sur le corps des prisonniers exécutés sans le consentement des familles. C'est beau l'industrie cosmétique, hein? L'industrie de la beauté. Sinon, en cinquième position, des produits de beauté assez insolites et plutôt crades, eh bien, c'est tout simplement le gras que l'on trouve dans les tissus humains, le cholestérol animaux et de certaines plantes. Normalement, on se bourre de médoc et on remplace le beurre par de la margarine pour ne plus en avoir, mais il est très apprécié dans les crèmes et les baumes hydratants. Les vertus de notre gras seraient en effet de redonner à la peau un aspect plus lisse et plus doux. Ben oui, c'est ça. En quatrième position, le placenta. Rien de mieux. Il y a d'abord le placenta animal. C'est la poche, bien sûr, dans laquelle le bébé se forme dans le ventre de sa maman. Oui, c'est dégueulasse, on le sait, mais ça se mange. Saviez-vous? Déjà parce que la jeune accouchée affaiblie pourra ainsi regagner tous les bons nutriments de la chose qui est sortie de son corps. Oui, l'animal le mange souvent. Hein? On peut également l'utiliser dans des produits de beauté car il paraît que les hormones, principalement les estrogènes et les protéines qu'il contient, seraient une source formidable de nutrition pour la peau et les cheveux. Bonne nouvelle, il y a aussi heureusement le placenta végétal, beaucoup plus ragoûtant qui se prélève sous le pistil. Il joue aussi le rôle de liquide nourricier du fruit pendant la croissance et les nutriments passant par une sorte de petit cordon ombilical auraient les mêmes bienfaits que son homologue animal. Ah ben là, par exemple, vraiment, je vous félicite, bravo, le placenta végétal, bonne idée. En troisième position, le venin d'abeille. On parvient maintenant à le récolter sans que l'abeille s'arrache l'abdomen et donc meure. On la stresse, là, ça se fait autrement. Il goûte de son dard. C'est plus sympa. Les intérêts sont multiples. Il serait bénéfique aux personnes souffrant de rhumatisme, de maladies inflammatoires et de recherches. Des recherches sont même en cours pour étudier sa capacité à ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Wow! Mais ça, juste les maladies même inflammatoires, oui, importantes. C'est aussi un formidable atout beauté. En effet, il repulpe la peau dépulpée. Il fait circuler le sang où le sang ne circule plus. Il lisse également les rides et aide à paraître plus jeune. Formidable donc, si bien que plusieurs marques ont lancé des gammes au venin d'abeille, des crèmes hydratantes et des crèmes de contour pour les yeux. Hein? On en apprend plein. Tu sais, imagine, c'est un gars qui fait une chronique produit de beauté. Hein? Sinon, un produit de beauté assez insolite, les fientes d'oiseaux. Eh bien oui, les geishas avaient l'habitude, il y a quelques dizaines d'années, d'utiliser ce délicieux fluide pour hydrater et blanchir leur peau. Attention, seule la merde du rossignol japonais est concernée et l'usage est plus qu'à la mode dans les spas du monde entier. On en retrouve dans certains sprays et crèmes et les stars comme Tom Cruise et Victoria Beckham, entre autres, en sont friantes. C'est une petite joke. Et sinon, le cramoisi, hein, qui est le camin de cochenille. Ça fait longtemps que c'est dans l'histoire. Hein. La cochenille est un insecte minuscule qui produit naturellement une substance colorante et acide, le cramoisi. Il est utilisé comme colorant alimentaire et revient en force au colorant artificiel avec la mode du bio. On écrase aussi ce petit être pour produire du rouge à lèvres. Les petits bouts d'insectes sur ma pulpeuse bouche. Et justement, c'est la reine Elisabeth I, Elisabeth Ier, qui se mettait beaucoup de cramoisi sur les joues. Mais bon, finalement, c'était mieux que le blanc là, de Mercure qu'elle se mettait en face. Mais en tout cas, c'est quand même pas si bon ni un ni l'autre. Mais bon, les trucs naturels, moi, je trouve ça, on peut toujours essayer. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Agitez fermement sans trop brasser. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Bah, mais suis mes instructions, voyons! Les instructions d'assemblage, c'est la chronique de trucs et astuces où on vous permet, d'apprendre des choses pour mieux vivre votre vie. C'est un peu ce que j'essaie de faire. Et étant donné que Jean-Philippe n'est pas là aujourd'hui, ben je vais pouvoir en faire encore plus. Fait que ça a ses avantages quand même. Hein. Donc, pour empêcher les achats impulsifs, vous savez, on arrive dans un magasin, peu importe lequel, on se prend un produit qu'on n'a pas besoin, on l'achète puis on s'en sert pas. Hein. Donc, pour empêcher les achats impulsifs, on nous conseille que si vous voulez quelque chose, attendez une semaine. Et si vous avez encore envie de l'acheter, achetez-le, sinon, ben, gaspillez pas votre argent. Moi, justement, en ce moment, j'ai plein de produits que j'ai dans mon petit dossier achat futur sur Google Chrome. Et je les garde là, et un jour, je vais, tu sais, je pense à ça souvent, puis à un moment donné, je vais les acheter. C'est cool, je trouve, comme façon de faire. Ensuite de ça, je vous suggère, tiens, sur Internet, évidemment, j'ai trouvé cette solution-là. Si jamais vous rappelez jamais de quoi acheter à l'épicerie. Tu sais, mettons, bon, tu dis tout le temps, tu reviens à l'épicerie, ah, j'ai oublié les œufs. Ah, j'ai oublié la mayonnaise. T'sais. Donc, prenez une photo de votre frigo de loin avec les portes ouvertes. Comme ça, vous n'allez jamais oublier quoi acheter à l'épicerie. Excellente idée. Ensuite, tiens, pour avoir des écouteurs qui ne se mêlent pas dans vos poches, vous savez, c'est un problème qu'on a tous. Là, les écouteurs, c'est des fils qui se défont le plus, en fait, peu importe, vous savez. Je vais aller par étapes, donc, de prendre vos écouteurs et faire les plier en deux, finalement. Bref, vos écouteurs et votre prise, et de l'autre côté, une grande boucle. Ensuite, prenez les deux barres et tordez-les environ 12 fois avec votre doigt dans la dernière boucle. Donc, vous tordez. Vous passez les écouteurs et le fil à l'intérieur de la dernière boucle que vous avez fait avec votre doigt dedans, et puis vous mettez ça dans votre poche, et puis quand vous voulez les défaire, vous n'avez qu'à faire le contraire. Donc, plier en deux, mettre le doigt dans la dernière boucle que vous allez faire, et puis tordre, après ça, rentrer la pinouche dans le trou. J'espère que j'explique correctement. C'est un petit peu difficile les affaires visuelles comme ça. On s'entend là-dessus. Ensuite, tiens, on nous conseille de prendre, tu sais, les bâtons de beurre qu'on a acheté à l'épicerie, c'est rendu la mode, en tout cas, parce que moi, je le fais dorénavant. On m'a conseillé de prendre du beurre parce que c'est tellement meilleur au goût et c'est bon pour toi, etc. Faut pas trop ambitionner là-dessus non plus, là, mais j'achète des petits bâtons de beurre qui vendent en paquet de 6 là, dans un gros bloc. Il y a 6 bâtons. Donc, t'en mets au congélateur, t'es sors une fois de temps en temps quand t'en as besoin. Par contre, à la place de les mettre dans un plat, comme je fais, on vous conseille de déballer un peu comme on ferait avec une barre de chocolat. Donc, seulement exposer le bout du crayon, si on veut. Donc, dans le fond, ton beurre devient un crayon et tu tartines en crayonnant sur ton pain. C'est une suggestion comme une autre. Ensuite, comment attacher ses souliers pour mieux courir, pour être plus confortable dans vos souliers? Et là, c'est encore une fois une affaire visuelle. Le lien sur assemblagerequis.com. Bonne chance pour le trouver parce que la chronique a beaucoup de liens. Mais bref, faites le tour par en bas, donc en bas de votre soulier, ce qui pointe vers l'extérieur, donc pas vers vous. Passez par le dernier trou. Ensuite, suivez les côtés. Et donc, n'attachez pas croisé au début du soulier, au bout. Et après ça, seulement rendu à la moitié du soulier, là, commencez à faire le croisé comme d'habitude. Et ça va enlever la pression sur le dessus de votre pied. Donc, je pense que ça pourrait vous aider à courir. Moi, ça va m'aider quand je vais le faire. C'est sûr que je vais le faire. Si vous tuez une mouche dans votre maison, mettez-la pas dans la poubelle parce qu'elle pourrait avoir à l'intérieur d'elle des affaires pas plaisantes, des enfants et tout ça. Bref, peu importe. Et tout ça va se multiplier dans votre... Parfois, il y a des insectes qui ont essayé de manger la mouche, c'est ce que ça veut dire. Donc, ça pourrait se multiplier. Vous allez avoir de plus en plus de bibites. Donc, juste le résumé, mettez pas une mouche dans votre poubelle, mettez-la dans la toilette. Tiens, si vous avez de la difficulté à vous rappeler si votre lave-vaisselle est propre ou sale, Tu sais, quand. Moi, évidemment, je le laisse barrer quand il est propre, mais tu sais, à un moment donné, quelqu'un d'autre dans la maison va le débarrer, puis là, tu sais plus est-ce que c'est sale, est-ce que c'est propre. Bon. Donc, ce que quelqu'un suggère, c'est de prendre une photo de Christina Aguilera à l'époque où elle était jeune adolescente propre et l'époque où elle est devenue dirty. T'sais? Donc, évidemment, tu peux coller l'aimant de la photo propre ou sale. Je trouve ça drôle. T'sais, on pourrait aussi juste écrire le mot « dirty ». Tiens, les filles, maintenant, ou peu importe, même les gars, qui portent des bob-épines dans vos cheveux. Ça arrive. Donc, utilisez une boîte de Tic Tac. Simple, vous insérez les Tic Tac, vous enlevez le couvercle, le grand couvercle, le blanc, ou peu importe. Vous insérez les bob-épines, vous refermez ça et ça sort par le petit trou. C'est super pratique. Ensuite, il y a des affaires visuelles que j'essaie de sauter. Tiens, du papier ciré sur les tablettes de votre cuisine. T'sais, en haut complètement de dans le fond des armoires, il y a la portion en haut qui se salit facilement. Et bon, tu sais, comment nettoyer ça? Ben, utilisez du papier ciré, mettez ça sur le dessus de vos armoires et vous allez juste avoir à enlever le papier ciré et en rajouter du nouveau et pas besoin de dépousseter. C'est tellement simple. J'adore ça. Ensuite, question culinaire ici. Prenez les petits bonbons qui ont du jus dedans. Là. Tu sais, les petits bonbons qui éclatent dans la bouche puis qui ont un petit goût sûret, c'est super bon ces bonbons-là. Ben, mettez ça et enroulez-les dans un fruit by the foot, un fruit au long, pour faire un mélange de fruits assez fantastique dans la bouche. Mm-hmm. Tu sais, quand on prend du ruban adhésif, du ruban papier collant, peu importe, on perd toujours le bout. Et là, on se dit, bon, ben, crime, je vais rouler, je vais faire un petit pli sur le bout. Puis là, ben, Caroline, t'oublies de le faire la prochaine fois. T'sais. Ici, à la place, on nous suggère de prendre une attache à pain pour mettre au bout. Et c'est beaucoup plus facile à enlever et tu gaspilles pas le bout que t'as plié. C'est fantastique. Vous êtes dans la salle de bain, t'sais, et vous vous demandez quoi faire. Donc, le truc, la solution, réservez-vous un tiroir qui ça donne à être près de la toilette pour y mettre vos consoles de jeux vidéo. Hein? Tu sais, un Game Boy et des cassettes de Game Boy dans le tiroir, c'est toujours utile, vous laissez ça là, vous jouez jamais à ça autre que quand vous êtes sur la toilette. Ensuite, un conseil ici pour pas mieux vivre votre vie, mais mieux faire vivre les animaux autour de vous. Tu sais, les oiseaux vont souvent manger ce qu'ils retrouvent sur l'asphalte, n'importe où, quand ils se promènent, quand ils atterrissent. Laissez pas vos gommes par terre, parce que quand vous laissez une gomme par terre, ça ressemble à des miettes de pain pour les oiseaux, donc ils vont essayer de le manger, et ça va défaire leur système digestif, et ça va les empêcher d'avaler de vrais morceaux de nourriture et d'eau, ce qui va faire qu'ils vont mourir éventuellement, et quand même tranquillement et péniblement, donc s'il vous plaît, ne jetez pas votre gomme par terre. Comment faire un dé qui triche maintenant? Tu sais, les gamblers, tricheurs, là, les gens honnêtes de ce monde, là. Mettez votre four à 250 degrés. Mettez sur la plaque à biscuits le dé avec le numéro que vous voulez, le chiffre que vous voulez, toujours en haut lorsque vous roulez votre dé. Et vous faites cuire ça pendant 10 minutes. Et apparemment que ça va faire que le dé va tout le temps tomber sur ce chiffre-là. Qu'on nous dit. Si vous êtes sur YouTube, vous voulez faire pause, des fois on fait barre-espace et étrangement, moi j'adore faire barre-espace pour faire pause parce que c'est commun dans tous les logiciels. Mais sur YouTube, quand t'es pas focusé sur le vidéo, la barre espace fait juste descendre la page parce que c'est une autre fonctionnalité de la barre espace, c'est de descendre sur une page web. Maintenant, vous le savez, un autre truc bonus. Hein. Donc, si vous êtes sur YouTube, faites la touche K à la place de la barre espace et ça va vraiment arrêter la vidéo, peu importe si vous êtes focusé dessus ou pas. Donc, la lettre K. Voilà. Maintenant, quand vous êtes, encore une fois, on vient aux toilettes, là, des fois... Quand tu vises certains endroits de la toilette, ça va un petit peu rebondir partout. C'est pas très, très plaisant. Et là, faut que tu essuies le rebord de la toilette. C'est juste pas le fun. Ou encore pas le faire du tout. Et c'est la personne d'après qui va peut-être, si vous avez pas monté le couvert, le ressentir. Donc, on nous suggère de faire pipi. Et là, c'est visuel un petit peu. Là. Mais mettons, vous avez la flaque d'eau et le trou en plein milieu de la toilette. Visez à droite de ça, à la moitié entre le rebord du trou et le rebord de la cuvette. Donc, vous visez à droite, un petit peu en haut et au milieu de cette distance-là. J'espère encore une fois bien l'expliquer. Mais sinon, allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Maintenant. Disons que vous avez envoyé quelque chose. Vous voulez envoyer une lettre à quelqu'un, sauf que vous avez caché, liché l'enveloppe et vous avez oublié quelque chose dedans. Mettez l'enveloppe au frigo pendant une heure, ça va la déceler. Donc, un bon truc à savoir si vous avez oublié quelque chose dans l'enveloppe. Si vos souliers sont trop petits maintenant, mettez trois paires de bas, enfilez vos souliers, passez au séchoir pendant 10 minutes et ils vont faire parfaitement. Génial. J'aime ça, des trucs comme ça qui ont l'air quand même assez simples et crédibles, malgré tout. Si vous êtes fan d'omelette, tiens, utilisez un truc pour découper une pizza, là. Tu sais, l'affaire rond, là, tu sais, bref, pour trancher des légumes, de la viande et des fromages pour votre omelette, c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite que votre truc à pizza. C'est votre enfant, vous avez des enfants premièrement, qui ont tendance à ne pas faire leurs tâches ménagères, les affaires qu'ils sont supposés faire. Vous avez juste à changer votre mot de passe Wi-Fi à tous les jours. Ça nous dit ici, donc, si vous voulez le mot de passe Wi-Fi, écris ça sur un petit papier. 1, fais ton lit. 2, passe aspirateur en bas. 3, va promener le chien. Et je vais te donner le mot de passe Wi-Fi. C'est gentil quand même. On nous conseille ici, ça je savais pas, étrangement, c'est quelque chose qui a l'air assez de base, mais je ne savais pas que t'es supposé utiliser seulement la grosseur d'un poids de pâte à dents sur ta brosse à dents. Donc on nous montre l'image ici sur la brosse à dents, de quoi ça devrait avoir l'air. Quand même, moi j'en mets une grosse ligne sur la brosse à dents, et apparemment qu'il faut pas faire ça. Ensuite... Tiens, pour arrêter de recevoir des courriels des mass mailings, c'est tellement fatigant de recevoir des messages. Des fois, tu t'es inscrit à une liste, ok, ça peut aller, mais d'autres fois, tu t'es pas inscrit, puis les gens t'ont mis dessus. C'est pas dur à dire pourtant. Faites-vous un filtre. Tu sais, dans Gmail, le système de courriel de Google, tu peux faire des filtres dans les paramètres. Donc, tu fais nouveau filtre, tu dis courriel provenant de telle personne, mets ça dans telle affaire et marque-le comme lu ou jette-le à la poubelle. Bon, c'est super simple à faire, là. Je crois que plus de gens s'en servent pas. Mais pour arrêter de recevoir des mass mailings, filtrer par le mot unsubscribe. Excellente idée. Tous les courriels qui sont reçus et que tu peux te désabonner, ils ont le mot unsubscribe. Donc, si tu fais un filtre avec ça, tu le mets dans marquer comme lu et jeter à la poubelle ou quelque chose comme ça. Et dorénavant, tu n'auras plus de courriel. Sauf que là, évidemment, tu n'auras plus aucun courriel avec unsubscribe, ce qui est quand même pas mal de choses. Si vous avez un mal de tête, on nous suggère... 11 façons de s'en débarrasser avec tes mains, tout simplement. Donc, la première façon, c'est de faire un gros point avec ton doigt entre tes deux yeux. Ça, je pense qu'on le fait tous. Ceux qui ont des maux de tête, je pense que c'est assez commun. Il y a aussi se prendre le front au complet avec la main par-dessus le front et le majeur, si on veut, et le pouce autour. Aller en arrière de la tête avec vos deux pouces. Et il y a plein d'autres façons. Il y a aussi l'intérieur de la main entre l'index et le pouce, apparemment. Et ça, c'est quand même, je l'ai lu plusieurs fois, donc ça va être pas mal vrai, que ça peut soulager le mal de tête. Ça soulage aussi les maux des épaules. Il y a des trucs sur les pieds, le poignet aussi. Donc, faites une pression sur le poignet juste où sont le début des veines visibles après votre main au poignet. Donc, allez voir la photo sur assemblagewiki.com pour en savoir plus. Depuis le 2 septembre, chez Starbucks, donc si vous êtes un fanatique de Starbucks comme moi, vous serez heureux de l'apprendre, que les Pumpkin Spice Lattes sont de retour. C'est des lattes à la citrouille, donc c'est maintenant le moment d'aller en chercher parce que ça dure que quelques mois. C'est très, très, très court comme fenêtre d'opportunité pour vous. Mm-hmm. Ensuite de ça, tiens, si on va sur Wikipédia et qu'on remplace les lettres FR ou EN, si vous allez sur Wikipédia en anglais, avec le mot simple, vous allez avoir une version beaucoup plus simple et donc moins complexe de la page. Moins de trucs à charger, je sais pas. C'est cool quand même. Ça a l'air compliqué, ça. Je vais l'essayer quand même. C'est un test pour savoir si votre pied droit est intelligent. Ça a l'air bizarre dit comme ça. Donc, ça nous dit, en s'assoyant devant l'ordinateur, donc ce qui est mon cas ici en ce moment, levez votre pied droit et faites des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, pendant que vous faites ça, essayez de dessiner le chiffre 6 dans les airs avec votre... Caroline, ça marche avant même que j'ai fini. Si tu fais des cercles avec ton pied droit et que tu essaies de faire des 6 avec ta main droite, ton pied va automatiquement et inconsciemment changer de bord. Il va se mettre à aller dans le sens contraire des aiguilles de montre. Et là, vous l'essayez, vous êtes en voiture, vous l'essayez, faites attention, s'il vous plaît. Mais ailleurs, essayez-le et ça fonctionne à merveille. Tu peux juste rien faire pour le changer. J'adore ça. Pour refroidir du vin très rapidement, remplissez un seau avec de la glace. Ajoutez assez d'eau pour couvrir la glace. Ajoutez deux poignées de sel à l'eau. D'accord? Laissez votre vin dans le seau pendant 20 minutes et ça va le refroidir à merveille. J'adore ça, c'est juste les deux poignées de sel qui font la différence. Maintenant, tiens, ça c'est génial comme idée. Si vous faites encore des barbecues, il reste encore peut-être un petit peu de temps. Changez votre six-pack de bière en kit de pique-nique parfait. Donc, prenez votre caisse de 6 bières et allez-y avec des couteaux en plastique dans d'un bar, des napkins, ketchup, moutarde, sel, poivre. Ça rentre très bien dans la boîte et ça se transporte. C'est merveilleux. C'est chic à mort. L'ultime Oreo. Encore, quand c'est des trucs de cuisine, ça m'intéresse tout le temps. Prenez un Oreo, je dirais double stuff, probablement. Moi, j'irais avec des double stuff, de toute façon, par défaut. Prenez-en deux. Et au milieu, entre le biscuit, la crème et la crème et les biscuits, des deux biscuits, allez-y avec un Reese! Et après ça, on nous suggère même de le couvrir de glaçage au chocolat et de rajouter des petits sprinkles dessus, là. Faites le nombre d'étapes que ça vous tente, mais bref, ça va être bon dans la bouche. Les filles, encore, quand je précise, c'est filles et personnes qui portent des bijoux. Si vous voulez amener vos bijoux en vacances, vos accessoires de mode, bref, si on veut, utilisez du Glad Press and Seal. Comme ça, vous mettez une feuille, vous mettez vos bijoux dessus, une deuxième feuille de Press and Seal, vous pressez ça ensemble. Ça pourrait être aussi une longue feuille que vous pliez en deux. Et ça va garder vos affaires complètement... dans le fond, il n'y aura pas de... comme les écouteurs tantôt. Là. Entanglement, là, je cherche mon mot en français, j'ai personne à m'aider. Ça ne sera pas mêlé, si on veut. C'était pas trop dur à trouver pourtant. J'ai posté quelques autres recettes sur le site. Là. On n'ira pas avec des recettes toute la chronique. On nous dit d'acheter des condoms en ligne au lieu du supermarché ou de la pharmacie parce qu'ils sont beaucoup moins chers sur Internet, les condoms. Intéressant. Comment blanchir vos dents maintenant? Ajoutez un petit peu de pâte à dents avec une cuillerée à thé de bicarbonate de soude et une moitié de cuillère à thé d'eau dans une petite... tasse un verre, mélangez bien et brossez vos dents pendant 2 minutes. Dans le fond, c'est un peu la recette que les pâtes à dents avec blanchiment, font. Donc, c'est vraiment... Je vais essayer de le répéter pour ne pas vous faire mettre les mauvaises affaires. C'est-à-dire une cuillerée à thé de bicarbonate de soude et une demi-cuillère à thé d'eau dans un petit verre. D'accord. Faites pas le contraire, ça pourrait peut-être être trop de bicarbonate de soude. Ensuite de ça... non, si vous faites le contraire, en fait, il va y avoir moins de bicarbonate de soude. Je m'écoutais même pas parler. Lorsque vous faites chauffer des restants... Faites un cercle dans le milieu. Par exemple, vous faites du spaghetti, vous le réchauffez au micro-ondes. Faites un trou pour que ça donne un beigne, si on veut. Et ça va chauffer beaucoup plus rapidement parce qu'on le sait tous, c'est tout le temps l'intérieur du plat qui ne cuit pas assez vite. Si vous voulez prendre une petite sieste rapide dans l'autobus, si vous avez peur de faire voler votre sac, insérez la poignée de votre sac à travers votre pied pour qu'il soit vraiment à votre talon, votre cheville, pas à votre talon, à votre cheville. Donc, personne ne va pouvoir partir avec parce que s'il tire sur le sac, vous allez vous réveiller. Je trouve ça bien. Il y a une recette de brownie dans une tasse aussi que j'ai postée sur assemblagerequis.com. On vous suggère, et là, ici, j'avais des doutes. Je me demande si ça se fait. Vous me direz peut-être le contraire. Mais dans un lave-vaisselle, si vous avez beaucoup de fruits à laver, par exemple pour un petit souper de famille, un petit brunch, vous avez plein de fruits, là, de les mettre dans le tiroir du haut du lave-vaisselle et partir de la lave-vaisselle avec de l'eau froide, j'imagine. Hein? Je sais pas, peut-être tiède. Bref, c'est un conseil qu'on me dit sur Internet, je suis pas sûr. Tiens, prenez votre main gauche et votre pouce droit et faites des cercles dans la paume de votre main. Si vous le faites tranquillement, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pendant 1 minute et ensuite vous faites le contraire dans le sens des aiguilles et pendant encore une fois 1 minute, ça va relâcher la tension un petit peu comme on disait tantôt, mais c'est plus précis ici, la tension du cou et ça va refocuser votre esprit complètement. Donc ça a l'air du gris-gris, mais apparemment que ça fonctionne. Je l'essaierai. Rien à perdre. On va terminer ça bientôt, cette chronique-là, pas mal. Je vais aller avec quelques petits derniers. Pour taper plus rapidement, à la place de vous acheter un logiciel pour mieux taper, vous êtes mauvais à taper à l'ordinateur, vous voulez apprendre à taper, mais rapidement et facilement sans avoir à dépenser. Faites CTRL-F ou commande F sur le Mac dans votre furteur Internet. Okay? Donc Google Chrome, Firefox, peu importe. Et commencez à taper les mots que vous voyez à l'écran. CTRL-S, c'est fait pour trouver du texte, évidemment. Donc, il va vous donner un message d'erreur avec un gros « gjik » si ça ne fonctionne pas, si vous ne tapez pas correctement. Donc, tapez le texte que vous voyez. Évidemment, trouvez une source que vous aimez. Ça va être encore plus fun d'apprendre à taper. Et finalement, si vous détestez faire votre lit, entrez un coin de vos couvertes complètement en dessous du matelas et le reste, laissez-le sortir. Ça va être beaucoup plus facile de faire le lit le matin en juste tirant sur un bar. C'est la méthode paresseuse et c'est ma préférée. J'adore ça. Voilà pour les instructions d'assemblage. J'espère vous avoir appris quelque chose. Il y en avait des évidents là-dedans, mais il y en a tout le temps, des évidents. C'est comme dans C'est un fait. Il y en a des affaires que tout le monde sait, mais ça ne veut pas dire que tout le monde le sait. Bam! Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. 10 choses que peut-être vous ignorez au sujet de ce phénomène magnifique qui est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est probablement l'un des phénomènes optiques, météorologiques les plus beaux observés, multicolores. Il se forme heureusement assez fréquemment, à condition que certains facteurs soient réunis. Mais savons-nous réellement tout sur les arcs-en-ciel? Pas si sûr. Donc, premièrement, un fait qu'on ignore peut-être sur les arcs-en-ciel, c'est qu'on ne peut pas toutes voir les couleurs d'un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel couvre un spectre de couleurs continues qui s'étend du rouge à l'extérieur au violet à l'intérieur. En fonction des cultures, on considère qu'il représente entre 3 et 9 couleurs. Moi, je le dénombre toujours, ici, comme eux autres, à 7 couleurs. En Occident, on en dénombre 7. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo, ainsi que le violet. Mais ceci ne représente qu'une infime partie des couleurs représentées par un arc-en-ciel. En effet, le phénomène contient en réalité une infinité de couleurs, plus d'un million constituant un vrai dégradé. C'est normal. Mais bon, on le voit, on peut le décrire un peu plus facilement avec cette couleur. Puis si vous prenez cette couleur et vous en peignez un sur un tableau, eh bien, le mélange entre les deux va créer le dégradé de toute façon. Mais bon, un autre fait qu'on ne sait peut-être pas, c'est deux personnes ne voient jamais le même arc-en-ciel. Même s'ils sont, elles sont une à côté de l'autre, regardant dans la même direction, deux personnes ne verront jamais le même arc-en-ciel. Et pourquoi? C'est parce que les gouttelettes d'eau à travers lesquelles passe la lumière sont constamment en mouvement et aussi que leur aspect change et que les radiations lumineuses rebondissent avec des angles complètement différents en fonction du moment. De plus, si toutes les gouttes de pluie réfractent et reflètent la lumière, c'est seulement la lumière d'une petite partie de la goutte qui va atteindre l'œil de l'observateur en fonction de sa position. L'aspect d'un arc-en-ciel dépend donc ainsi à la fois de la position exacte du soleil et de celle de l'observateur, sans oublier les capacités de perception oculaire qui peuvent bien sûr varier d'un individu à l'autre. Troisième fait sur les arcs-en-ciel, eh bien, le ciel est plus sombre au-dessus de l'arc-en-ciel qu'en dessous. Peu de gens l'ont remarqué et pourtant, c'est tout à fait facile à constater lorsqu'on observe un arc-en-ciel. Le ciel est généralement bien plus sombre au-dessus qu'à l'intérieur de l'arc-en-ciel. Ceci est dû au fait que chaque goutte d'eau est une sphère et qu'elle disperse la lumière sous forme d'un disque entier, lui-même composé d'une pile de disques colorés. Mais comme ces derniers sont de diamètres différents, leur sommet ne se superpose pas et c'est ce qui fait apparaître les couleurs et les formes de l'arc-en-ciel. Néanmoins, à l'intérieur du disque global, les différents disques colorés se superposent bel et bien et créent donc du blanc. Ce qui a pour effet d'éclaircir le ciel et c'est pour cela qu'il apparaît généralement bien moins sombre au-dessus, qu'au-dessus de l'arc-en-ciel. Le quatrième fait sur les arcs-en-ciel, eh bien, c'est que les arcs-en-ciel apparaissent rarement à midi. Ça, c'est assez facile à comprendre. Hein? Pour qu'un tel phénomène se forme, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Il faut qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil en même temps, bien sûr, mais seulement, pas seulement ça, il faut aussi que notre astre se trouve à un endroit précis, à moins de 42 degrés au-dessus de l'horizon et qu'il se touche, qu'il se couche ou qu'il monte. Du moment que ses rayons frappent les gouttelettes avec un angle inférieur ou égal à 42 degrés, eh bien, un arc-en-ciel pourra apparaître. Plus le soleil sera bas, plus l'arc-en-ciel sera visible. En revanche, si l'astre est déjà haut dans le ciel, eh bien, le phénomène ne se produira pas, ou du moins ne sera pas très visible depuis le sol. C'est pourquoi il est rare qu'un arc-en-ciel se produise à midi. Le soleil est généralement trop haut et que toutes les conditions sont nécessaires soient réunies. Pour que toutes les conditions soient réunies, eh bien, le phénomène est à l'inverse assez fréquent, tôt le matin ou en fin d'après-midi. Cinquième fait sur les arcs-en-ciel et dernier, on finira faire les six autres au retour de la pause. Eh bien, un arc-en-ciel peut apparaître la nuit. Ça, moi, j'en ai vu assez souvent. On appelle ça un œil de bœuf. Moi, on appelait ça comme ça, en tout cas. Si un arc-en-ciel a besoin de ses rayons de soleil pour se former, comment peut-il apparaître la nuit? Eh bien, c'est facile. Lorsque la pleine lune, ou quasiment pleine lune, pique la place du soleil, la lumière qu'elle émet frappe de même les gouttes d'eau, de pluie ou d'humidité et provoque l'apparition d'un spectre lumineux. C'est ce qu'on appelle un arc-en-ciel lunaire ou un moon bow en anglais, mais celui-ci est bien plus pâle que sa forme traditionnelle. Ses couleurs sont même beaucoup plus difficiles à observer car pas assez lumineuses pour exciter les photorécepteurs de l'œil humain. Ainsi, le phénomène apparaît souvent blanc. De plus, la nuit doit être bien dégagée pour que l'arc-en-ciel puisse apparaître. Moi, j'en ai vu plusieurs fois des moon bow comme ça, vraiment très souvent. Si vous allez un peu dehors, puis si vous aimez la nature, puis vous regardez un peu votre monde autour de vous, ben c'est sûr que vous en avez vu plusieurs déjà. Sixième fait sur 10, on nous dit qu'il est impossible d'atteindre la fin d'un arc-en-ciel, donc de trouver le bol d'or. Hein, parce qu'on cherche toujours le pot d'or de Lucky Charm au bout de l'arc-en-ciel, mais on nous dit que on ne pourra jamais essayer tant qu'on va. Même si on essayerait, on ne trouvera jamais autant que vous voulez de vous déplacer, n'importe quoi, changer d'angle ou de demander à quelqu'un loin de vous d'y aller. Il est impossible d'atteindre la fin ou le début de l'arc-en-ciel. Si on comprend c'est quoi un arc-en-ciel, là, me semble qu'on n'a pas besoin tant que ça d'expliquer. Parce qu'un arc-en-ciel, on l'a expliqué tantôt, c'est une histoire de Réfraction de lumière, donc dans l'œil et dans la goutte de l'eau. Donc, si vous courez, vous changez d'angle, tout ça, l'arc-en-ciel va changer et va avancer avec vous, bien entendu. Donc, la simple et bien la raison, eux, qui nous donnent, c'est que les radiations colorées qui forment le phénomène dépendent de la distance et de l'angle auquel se trouve l'observateur. Et on l'a bien compris. Si on bouge, l'arc-en-ciel bouge. Et oui. Donc, un avion peut permettre de transformer l'arc-en-ciel en un vrai cercle. Ça, c'est un fait que je ne savais pas. L'arc-en-ciel est un cercle centré autour d'un point très particulier appelé le point antisolaire. En anglais, c'est le anti-solar point. C'est le point qui se trouvait exactement à l'opposé du soleil et qui est marqué lorsqu'il fait beau par l'ombre que forme notre tête. OK. Toutefois, on peut voir tout le cercle formé car la Terre se met dans le chemin. Plus le soleil est proche de l'horizon et plus l'arc que l'on voit est grand au coucher de soleil. Donc, on peut observer un vrai demi-cercle. Et puis, à l'inverse, plus haut le soleil, plus l'arc apparaît petit. Si l'observateur prend de l'altitude en gardant le soleil dans le dos, il va être en mesure de voir davantage du cercle. Et en regardant vers le bas à bord d'un avion, par exemple, on peut parfois réussir à observer un cercle entier. Cette observation reste néanmoins difficile à réaliser et très rare. C'est sûr qu'on n'a pas tous un avion pour go, on part là, on va aller voir si on veut l'arc-en-ciel entier. Ça, c'est clair. Oui, on nous dit que l'arc-en-ciel peut apparaître sous des formes doubles, triples, voire plus. Moi, je l'ai souvent vu double et triple. Il y a comme deux ou trois étages d'arc-en-ciel, mais ça fait juste continuer. Hein. Si tout le monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie un arc-en-ciel, certains ont eu la chance d'assister à un double, voire un triple. Ben moi, j'ai eu cette chance-là. Dans certaines circonstances, un arc peut être accompagné d'un second qui va apparaître inversé comparé au premier, le rouge vers l'extérieur et le violet vers l'intérieur. Ceci est dû à une double réflexion de la lumière dans les gouttelettes d'eau, mais le second arc apparaît généralement moins net et plus pâle. Le troisième arc peut aussi apparaître grâce à une triple réflexion. Il sera alors inversé comparé au second, soit identique au premier, mais encore moins visible comme on peut imaginer. Observer un triple, voire quadruple arc-en-ciel se révèle néanmoins d'avoir pas mal de chance. Quadruple, ça m'est jamais arrivé, mais triple à plus qu'une fois, ça c'est sûr. Est-il possible de créer soi-même un arc-en-ciel dans son jardin? Assez facile avec une hose, hein? On a tous fait ça en jouant avec la hose du jardin. Notre ciel est loin d'être le seul lieu où un arc-en-ciel peut apparaître. Du moment qu'il y a du soleil et des gouttes d'eau, le phénomène est susceptible de se produire. On y voit aussi dans des genres de places comme à Valcartier, là, puis des places de même où il y a des chutes d'eau, puis il y a des fontaines. Et puis, on voit souvent des arcs-en-ciel, donc c'est assez facile. Et puis, sinon, pouvez-vous faire disparaître un arc-en-ciel? Non, pas en arrêtant la pluie ou en cachant le soleil, simplement en utilisant vos lunettes. En effet, comme l'explique un blog de Discover Magazine, des lunettes à verre polarisé, un verre polarisant, comme un appareil photo aussi, on peut changer la polarité des rayons de lumière qui nous arrivent. Donc, ça peut permettre justement de faire disparaître l'arc-en-ciel à nos yeux, alors qu'il est bel et bien toujours là. Ce type de verre a été conçu pour bloquer la lumière polarisée, c'est-à-dire la lumière qui se reflète sur les surfaces horizontales et qui est généralement assez éblouissante. Un peu comme les super lunettes qu'on nous vendait pour voir à travers l'eau, là. Des grosses lunettes de bois, on dirait. Les gens avaient l'air vraiment imbéciles avec ça. Des grosses lunettes noires pour voir le poisson quand ils sont à la pêche ou comme ça dans certaines infopubs. Mais aussi, si vous faites de la photographie, eh bien, il y a des lentilles exprès pour pouvoir enlever les réfractions d'eau ou de lumière pour pouvoir voir un peu mieux. Pour faire une photo aussi à travers une photo, une vitre de voiture. Tu sais, quand on prend une photo à travers une vitre de voiture, eh bien, on ne voit pas à l'intérieur souvent de la voiture. Il y a plus de réfractions que ce qu'on voit à l'intérieur. Avec le verre polarisé, on peut réussir à faire des photos à l'intérieur. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On apprend qu'écouter de la bonne musique, c'est un article que j'ai pris hier, mais que je n'en ai pas parlé, eh bien, est bon pour le cœur. Donc, écoutez, c'est vous, 89.1, est bon pour votre cœur. Hein? On sait déjà que la musique peut aider à pécho. OK, c'est quoi? OK, c'est quand t'es triste, oui. Donc, on sait moins que ce qu'elle peut avoir comme effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire, notamment sur les artères coronariennes. C'est moins glamour, mais c'est bon à savoir. Leur obstruction peut entraîner une crise cardiaque qui est l'une des principales causes de décès en Europe, ici même aux États-Unis et en Amérique. Ici même, je voulais dire en Amérique, hein. Une étude présentée au Congrès de la Société européenne de cardiologie se tient actuellement à Amsterdam et a constaté que l'écoute de musique peut sensiblement améliorer la récupération des patients souffrant de coronopathie, donc qui est une maladie des artères. Grâce à la libération d'hormones clés, plus largement écouter de la musique que l'on apprécie stimule la santé des artères coronaires, y compris chez les personnes en bonne santé. Donc, écouter de la musique, même si on est déjà en bonne santé, ça nous aide. Mais si on est en mauvaise santé, ben, ça nous aide encore aussi. Donc, c'est que du bon. Cette étude est dirigée par le professeur Dejan Lehic de l'Institut de cardiologie de l'Université de Nice en Serbie et a fait le constat suivant. La combinaison d'entraînement physique et d'écoute de musique améliore donc la fonction endothéliale nécessaire donc au maintien de la réponse vasculaire de l'organisme qui renforce le cœur chez les patients atteints de coronopathie, comme on le disait tantôt. Les chercheurs ont séparé 74 patients atteints de cette pathologie en trois groupes. Le premier est inscrit à des séances d'aérobie pendant trois semaines, le groupe T comme training. Le second a suivi le même entraînement avec l'obligation d'écouter une demi-heure par jour de la musique de son choix. Hein? C'était le groupe MT, Music Training. Et le troisième, eux, n'a eu qu'à écouter la demi-heure de musique privée de l'entraînement physique, qui était le groupe M. Après trois semaines de ce régime, les patients du groupe M et MT ont boosté de façon importante la fonction endothéliale. Les membres du groupe MT, Music et Training, ont en plus amélioré leur capacité d'exercice physique de 39 %. Le groupe Training, lui, qui n'avait pas de musique, de 29 %, et encore plus étonnant, chez 19 %, le groupe de musique uniquement. Quand même, ils se sont améliorés quand même à pas s'entraîner. Donc, quel rôle a joué la musique là-dedans? Eh bien, c'est que l'écoute d'un morceau que l'on aime permet au cerveau de libérer des endorphines, hormones du plaisir, et elles agissent comme de la morphine, mais sont sécrétées par l'organisme en cas d'exercice physique ou d'orgasme, par exemple, qui ont un impact positif sur la santé vasculaire. Donc, écoutez de la musique qui vous fait triper. Tu sais, quand on sent un genre de feeling, « Wow! » Puis t'as le goût de danser, puis de chanter, puis tout, ben c'est que du bon pour la santé. Il n'y a pas de musique idéale qui marche de façon universelle. Ce qui compte, c'est qu'elle vous rende heureux, hein, cette musique, ou détendue, ou qui suscite beaucoup d'émotions chez vous. Ça, c'est bien, bien intéressant. Le docteur ajoute aussi que certains genres musicaux peuvent être source de stress, donc mauvaise pour le cœur. Ainsi, vaut mieux aimer de la musique baroque qu'être fan de black metal. Moi, je pense pas. Cette phrase-là, je la trouvais vraiment de trop dans l'étude. Non, parce que si toi, t'es fan de black metal ou de peu importe quoi, puis ça te fait lever, ça te fait triper, puis tu te sens bien quand t'écoutes ça, ben ça va être bon pour la santé. Je pense pas que... Moi, j'ai rien contre le baroque. J'aime aussi la musique baroque, vraiment. J'en écoute en soupant très, très bien. Mais ça te fait pas lever, ben t'en écoutes pas. Faut que tu te rendes heureux. C'est le conseil du jour. Sinon, tiens, une autre nouvelle qui était sortie hier, ben on va les faire, c'est le temps. C'est un cousin du piranha qui a été pêché dans la Seine, donc en France, bien sûr. Un cousin végétarien, par contre, du piranha qui a été pêché dans la Seine vendredi dernier. Ce pêcheur a appelé la brigade fluviale pour lui signaler sa prise avant de lui apporter directement le spécimen, un pacu. C'est ce qu'on a expliqué à la préfecture. Donc, comme son célèbre cousin le piranha, le pacu est un poisson d'eau douce reconnaissable à sa super puissante mâchoire et avec une dentition qui fait penser à celle de l'homme. Cette espèce sud-américaine qui n'attaque normalement pas l'homme est élevée pour sa chair en Amérique du Nord. En août dernier, un pacu avait été retrouvé en mer près du Danemark. Les plongeurs de la brigade fluviale de la police parisienne retrouvent régulièrement des espèces insolites dans la Seine. En 2012, ils ont repêché, entre autres, un piton royal sans tête de 3 mètres de long et de 40 kg, ainsi qu'une sciure de plus de 1,70 m. Ouf! Il s'agit souvent d'animaux de compagnie qui ont grandi, que les propriétaires inconscients et débordés ont abandonné dans la Seine. Bien sûr, quand ils ne savent plus maîtriser, hein, un piton de 40 kg, peut-être, en tout cas. Faites-vous votre idée, c'est quand même assez extraordinaire. Sinon, ici, le titre qui m'avait fait retenir un peu les yeux et qui m'avait accroché les yeux, et puis je vous en parle d'être là, c'est le Shocking, qui est un immeuble de Londres qui fait fondre les jaguars. Le titre m'accroche, mais sérieux, je ne sais vraiment pas de quoi on parle. Sa forme évasée, massive, faisait polémique, mais voilà que le talkie-walkie, un nouveau gratte-ciel londonien, est aussi accusé de créer un effet de loupe dangereuse au point d'avoir endommagé au moins une Jaguar stationnée en contrebas dans la cité. Les promoteurs du building de 160 mètres de haut ont assuré mardi dans un communiqué qu'ils prenaient au sérieux la réflexion de la lumière engendrée par le 20 Fenchurch Street. Le nom officiel de l'immeuble est en voie d'achèvement et traite l'affaire donc en toute priorité. Le phénomène est causé par l'élévation actuelle du soleil dans le ciel. Il se produit quotidiennement pendant 2 heures environ. Une modélisation initiale tend à indiquer qu'il pourrait durer de 2 à 3 semaines. Les 2 heures de réflexion de cet été indien dans la capitale britannique ont suffi à faire fondre une partie du rétroviseur de la carrosserie de la Jaguar de Martin Lindsay. Jeudi dernier, dans une interview à la BBC, l'homme d'affaires visiblement consterné a révélé avoir obtenu la prise en charge des réparations s'élevant à 1113 euros. Mardi, des journalistes et des photographes sont venus constater l'étendue du phénomène. L'un d'eux parvenait même à faire cuire un œuf grâce à cette réverbération de lumière. Quand même assez puissante, hein? Les promoteurs ont indiqué que 3 parkings situés au pied de l'immeuble avaient été fermés à titre de prévention, en accord avec les autorités municipales. Ils ont alors recherché une solution à long terme pour éviter de nouveaux incidents avant d'annoncer un peu plus tard l'érection d'un échafaudage pour faire écran dans les prochaines 24 heures. Les projets architecturaux qui hérissent le ciel de la cité alimentent souvent la controverse en raison de leur magnitude, de leur coût ou de leur silhouette. Vivement critiqué, l'architecte uruguayen Raphaël Vinoli a dû revoir à plusieurs reprises les plans de son talkie-walkie, qui doit son surnom à sa forme, également comparé à une pinte de bière. Cet immeuble possède 37 étages, dont... il devrait être terminé d'ici mars 2014. Il a été contraint d'engommer la hauteur d'une 40 mètres dans l'espoir d'apaiser les détracteurs. Il est obligé d'enlever la belle réflexion. Cependant, nombreux sont les Londoniens qui reprochent encore à l'immeuble son gigantisme qui, par effet d'échelle, ravale à la dimension de modèle réduit 2 monuments adjacents très emblématiques, dont le Tower Bridge et la cathédrale Saint-Paul. Fait que ça prend vraiment toute la place. Et pas juste la place visuelle, la place même en bas, ça chauffe n'importe quoi. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Eh bien oui, on va aller parler de quelque chose. On va aller parler de testicules sur un plateau. Ben oui. Donc, curieux concours, celui organisé le week-end dernier dans le village de Lunjevica, en Serbie centrale. C'est une 20aine d'équipes qui s'affrontaient pour remporter le titre de champion du monde de cuisine de testicules. Grillés, en ragoût ou même en pizza, toutes les recettes sont possibles pour mettre en valeur... Je m'en ai dit quelque chose, mais bon. Pour mettre en valeur, c'est gréement, comme on pourrait dire. Donc, mettre en valeur se met. La limite est celle de l'imagination des participants. Je cite, « Je suis le premier à avoir apporté au festival des testicules d'autruche dans les années 2000, se rappelle Zvadriko Zurik, chef de file d'une équipe serbe. Cette viande est peu consommée dans nos contrées. Pourtant, selon Lubovic Erovic, fondateur du festival Les Testicules, riche en testostérone, aurait des bienfaits pour la libido. Le prince Milos et le camarade Tito adoraient les testicules, raconte-t-il. Tous les deux étaient connus comme de grands coureurs de jupons. À l'issue de ce concours, dont la fête fêtait la 10e édition, les meilleurs cuisiniers pouvaient remporter plusieurs prix, ce qui récompensait la saveur des testicules est la plus prisée. Mais les plats aussi jugés sur leur consistance ou sur leur présentation ou même leur originalité. Bon appétit, mes amis, bon appétit. Sinon, on va aller voir un autre truc ici. Pour lutter contre l'alcoolisme, eh bien, le meilleur remède consiste à prendre du LSD. Hein, ça va très, très bien avec notre Jimi Hendrix de tantôt. Les conclusions de Pål Ørjan Johansen sont stupéfiantes. Ce chercheur norvégien de l'Université de sciences de la technologie de Trondheim affirme que le LSD est efficace dans la lutte contre l'alcoolisme. Des études montrent que le LSD, combiné à d'autres méthodes de traitement, a de meilleurs effets contre la dépendance à l'alcool qu'un simple traitement sans LSD. Ayant analysé avec son épouse, elle aussi chercheuse, les travaux réalisés aux États-Unis sur les effets de ce produit, eh bien, ce scientifique affirme qu'une simple dose de LSD contribue pendant au moins 6 mois à réduire les risques de rechute des alcoolodépendants et à les convaincre d'une totale abstinence. Les applications médicales potentielles du LSD ont fait l'objet de nombreuses recherches après la guerre jusqu'à ce que ce produit soit classé dans la catégorie des psychotropes. Dans le traitement qu'il préconise, une simple dose de drogue hallucinogène serait administrée à des patients informés sous supervision dans un cadre confortable pour les aider à méditer sur leur consommation d'alcool et à prendre conscience de leur situation et ainsi y mettre terme. Et moi, je crois à 100% en cette méthode parce que, justement, lorsque tu ingères du LSD, je te dis, tu te fais une thérapie, là. Il y a plusieurs, je me rappelle, c'est qui? Je crois que c'est critique de cinéma, comment il s'appelle? René Aumirois. J'avais eu une entrevue et il expliquait ça, que la prise de LSD, lui, dans sa vie, lui avait sauvé la vie et avait... ça équivalait à plusieurs semaines de thérapie chez un psychologue. Donc, si tu prends conscience, si tu es entouré et puis que tu prends conscience justement et que tu réfléchis sur ton problème, moi, je crois à 100% en cette méthode. Les drogues hallucinogènes ne sont pas toxiques ni addictives. Donc, a-t-il fait valoir? Ça, c'est clair. Personne n'a le goût de faire du LSD tous les jours. T'es pas capable de vivre. Sinon, t'as vraiment un problème mental. Donc, c'est un autre problème. C'est pas la drogue qui te le crée. Et donc, il y a une évaluation des risques qui tient bien compte des avantages et des inconvénients. L'alcoolisme est une des causes de mortalité les plus répandues dans le monde occidental, alors que personne n'est jamais mort d'un traitement au LSD. Celui-ci peut toutefois provoquer angoisse et confusion. C'est sûr, tu te regardes. Et puis, tu fais une introspection là, que tu n'as jamais eue dans ta vie. T'sais. Ça, c'est officiel que tu peux troubler avec toi-même, avec ta personne, si tu n'es pas bien avec toi-même. Ça, c'est très, très simple. Donc, il dit, le LSD serait-il légalisé au même titre que la marijuana pour des causes médicales? Ce chercheur y croit fortement et ambitionne d'ouvrir à Oslo une clinique offrant des traitements à base de substances hallucinogènes. Ben moi, je les encourage à 100%. Et tant qu'il va y avoir des nouvelles du genre, on va en parler ici même au dîner de cons. C'est pas de le faire de la promotion de la drogue, oh non, loin de là, mais la promotion du bien-être humain, tout à fait. Tout à fait. Sinon, tiens, on va aller d'un truc bien important aux choses les plus niaiseuses de la planète. Eh bien oui, tantôt j'en ai parlé, la progéniture du Achy Breaky Heart. Eh bien oui, notre Billy Ray Cyrus... qui a sa progéniture, on en parle un petit peu plus que lui. Hein? On parle de Miley Cyrus, qui a bien, bien choqué là, sur YouTube et partout. Là, hier, c'était la vidéo qui choquait le plus, etc. Donc, un show très provocateur, de la part de Miley Cyrus lors des MTV VMA 2013. Donc, Music Award, là, Video and Music Award. Eh bien, ça n'a pas été au goût de tous, cette petite prestation. Ma foi, très, très sexy, je dirais presque, on dirait une salope qui dansait sur un poteau. Mais ça l'a choqué surtout une personne, et c'est l'inventeur du doigt en mousse. Parce que si vous avez vu la vidéo de Miley Cyrus, parce que je voulais imiter son... En tout cas. Donc, vous verriez que le doigt en mousse, qui est très connu aux États-Unis, surtout dans les matchs de WWF... Eh bien, il a été un peu, comment je pourrais dire, pas malmené, mais employé à divers fins. Hein? Donc, le doigt de la discorde, elle s'est emparée d'un symbole honorable et utilisé pour les rencontres sportives et l'a dégradé. Heureusement, le doigt en mousse est connu depuis suffisamment longtemps pour survivre à cet incident. En ce qui concerne Miley Cyrus, espérons qu'elle puisse se remettre de cet événement et y survivre, s'est indigné l'homme de 59 ans dans une interview de Fox News. Parce que c'est lui qui a été choqué, hein? Donc, Steve Kemmler, qui vient d'ajouter sa voix au concert des critiques, et pour cause, cet inconnu du grand public ne serait nul autre que l'inventeur du doigt en mousse, que Miley a utilisé d'une manière assez peu orthodoxe. Donc, c'est ça. On nous dit, Steve ne dit ne pas vouloir en vouloir outre mesure à Miley, car cette mésaventure est tout de même, a quand même permis... de mettre en lumière son numéro 1 One Hand, là, tu sais, le doigt dans les airs, hein, pour lequel il n'a jamais touché aucune royalty. Un motif de satisfaction pour l'inventeur, à défaut d'avoir apprécié le show. Il dit, c'était marrant de la faire crier et de le... C'était marrant de le faire et de le créer. OK, c'est un genre de lapsus des yeux que j'ai eu. Et c'est une forme de récompense de voir ce qu'il est devenu et les variations, bien sûr, ce qu'on en a fait. Si j'avais le choix entre Julie Andrews chantant The Sound of Music et Miley Cyrus interprétant Can't Stop, je choisirais plutôt la première, mais chacun est libre de ses décisions. Âgé de seulement 16 ans en 1971, Steve Kemmler a créé le fameux doigt en mousse pour soutenir son équipe de basket au lycée dans l'Iowa. Comme le précise Fox News, rapidement prisé des autres élèves, sa main XXL s'est même retrouvée dans le yearbook de l'établissement. Mais celui-ci, qui a depuis fait carrière en tant que commercial dans le bâtiment, n'a jamais breveté sa trouvaille. Et il doit le regretter, car l'objet de fantaisie aujourd'hui commercialisé par Gerald Foss à partir de 78 est devenu un accessoire indispensable pour le tout supporteur américain. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.